Le livre de Josué. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur parla à Josué, fils de Nun, ministre de Moïse, et lui dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Levez-vous et passez ce Jourdain, vous et tout le peuple avec vous, pour entrer dans la terre que je donnerai aux enfants d'Israël. Je vous livrerai tout lieu où vous aurez mis le pied, selon que je l'ai dit à Moïse. Vos limites seront depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétéens, jusqu'à la grande mer qui regarde le soleil couchant. Nul ne pourra vous résister, et à mon peuple, tant que vous vivrez. Je serai avec vous, comme j'ai été avec Moïse. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai pas. Soyez fermes et courageux, car vous partagerez au sort à tout ce peuple la terre que j'ai promis avec serment à leur père de leur donner. Prenez donc courage et armez-vous d'une grande fermeté pour observer et accomplir toute la loi que mon serviteur Moïse vous a prescrite. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, afin que vous fassiez avec intelligence tout ce que vous avez à faire. Que le livre de cette loi soit continuellement en votre bouche. Ayez soin aussi de la méditer jour et nuit, afin que vous observiez et que vous fassiez tout ce qui est écrit. C'est alors que vous rendrez votre voie droite et que vous vous y conduirez avec intelligence. C'est moi qui vous l'ordonne. Soyez fermes et courageux. Ne craignez point et ne vous épouvantez pas. Car en quelque part que vous alliez, le Seigneur votre Dieu sera avec vous. Josué fit donc ce commandement aux princes du peuple et leur dit « Passez par le milieu du camp et donnez cet ordre au peuple, et dites-leur « Faites provision de vivres, car dans les 3 jours vous passerez le Jourdain et vous irez prendre possession de la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera. » Il dit aussi à ceux de la tribu de Ruben, à ceux de la tribu de Gad et à la demi-tribu de Manassé « Souvenez-vous de ce que vous a ordonné Moïse, serviteur du Seigneur, lorsqu'il vous a dit « Le Seigneur, votre Dieu, vous a mis en repos et vous a donné tout ce pays-ci. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux demeureront dans la terre que Moïse vous a donnée au-dessous du Jourdain. Mais pour vous, passez en armes à la tête de vos frères, tous tant que vous êtes de vaillants hommes, et combattez pour eux, jusqu'à ce que le Seigneur mette vos frères en repos, comme il vous y a mis, et qu'ils possèdent aussi eux-mêmes la terre que le Seigneur votre Dieu doit leur donner. Et après cela, vous reviendrez dans le pays que vous possédez pour y habiter, comme dans le lieu que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a donné au-dessous du Jourdain vers le soleil levant. » Ils répondirent à Josué et lui dirent « Nous ferons tout ce que vous nous avez ordonné, et nous irons partout où vous nous enverrez. Comme nous avons obéi à Moïse en toutes choses, nous vous obéirons aussi. Seulement, que le Seigneur votre Dieu soit avec vous, comme il a été avec Moïse. Que celui qui contredira aux paroles de votre bouche et qui n'obéira pas à tout ce que vous lui ordonnerez soit puni de mort. Seulement, soyez fermes et agissez avec un grand courage. » Josué, fils de Nun, envoya donc secrètement de Sétim 2 espions et il leur dit « Allez et reconnaissez bien le pays et la ville de Jéricho. » Étant partis, ils entrèrent dans la maison d'une femme débauchée nommée Rahab et se reposèrent chez elle. Le roi de Jéricho en fut averti et on lui dit « Des hommes d'entre les enfants d'Israël sont entrés ici la nuit pour reconnaître le pays. » Le roi de Jéricho envoya donc chez Rahab et lui fit dire « Faites sortir les hommes qui sont venus vous trouver et qui sont entrés dans votre maison, car ce sont des espions qui sont venus reconnaître tout le pays. » Cette femme, prenant ces hommes, les cacha et répondit « Il est vrai qu'ils sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et lorsqu'on fermait la porte pendant la nuit, ils sont sortis en même temps, et je ne sais où ils sont allés. Poursuivez-les vite, et vous les atteindrez. » Or, elle fit monter ses hommes sur la terrasse de sa maison et les cacha sous des tiges de lin qui y étaient. Ceux donc qui avaient été envoyés de la part du roi les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et aussitôt qu'ils furent sortis, les portes furent fermées. Ces hommes qu'elle avait cachés n'étaient pas encore endormis lorsqu'elle monta où ils étaient. Et elle leur dit « Je sais que le Seigneur a livré entre vos mains tout ce pays. » Car la terreur de votre nom nous a tous saisis, et tous les habitants de ce pays sont tombés dans le découragement. Nous avons appris qu'à votre sortie d'Égypte, le Seigneur sécha les eaux de la mer Rouge dès que vous y fûtes entrés, et de quelle manière vous avez traité les deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, Séon et Og, que vous avez fait mourir. Ces nouvelles nous ont remplis de frayeur. Nous avons été saisis jusqu'au fond du cœur et il ne nous est demeuré aucune force à votre arrivée. Car le Seigneur votre Dieu est le Dieu même qui règne en haut du ciel et ici-bas sur la terre. Jurez-moi donc maintenant, par le Seigneur, que vous userez envers la maison de mon père de la même miséricorde dont j'ai usé envers vous et que vous me donnerez un signal assuré pour sauver mon père et ma mère, mes frères et mes sœurs, et tout ce qui est à eux, et pour nous délivrer de la mort. » Ils lui répondirent, « Notre vie répondra de la vôtre, pourvu néanmoins que vous ne nous trahissiez point. Et lorsque le Seigneur nous aura livré ce pays, nous userons envers vous de miséricorde, et nous exécuterons avec fidélité nos promesses. » Elle les fit donc descendre par une corde qu'elle attacha à sa fenêtre, car sa maison tenait au mur de la ville. Et elle leur dit, « Allez du côté des montagnes, de peur qu'ils ne vous rencontrent quand ils reviendront, et demeurez là, cachés pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour, et après cela, vous reprendrez votre chemin. » Ils lui répondirent, « Nous nous acquitterons du serment que vous avez exigé de nous. Si, lorsque nous entrerons dans ce pays, vous mettez pour signal ce cordon d'écarlate, si vous l'attachez à la fenêtre par laquelle vous nous avez fait descendre et que vous ayez soin en même temps de réunir dans votre maison votre père et votre mère, vos frères et tous vos parents. Si quelqu'un est trouvé hors de la porte de votre maison, son sang retombera sur sa tête et nous n'en serons pas responsables. Mais si l'on touche à quelqu'un de ceux qui seront avec vous dans votre maison, leur sang retombera sur notre tête. Que si vous voulez nous trahir et publier ce que nous vous disons, nous serons quittes de ce serment que vous avez exigé de nous. » Et elle leur répondit, « Qu'il soit fait comme vous le dites. » Et les laissant partir, elle pendit le cordon d'écarlate à sa fenêtre. Quant à eux, s'étant mis en chemin, ils marchèrent jusqu'aux montagnes et y demeurèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent retirés. Car, les ayant cherchés tout le long du chemin, ils ne les trouvèrent point. Et après qu'ils furent entrés dans la ville, les espions étant descendus de la montagne s'en retournèrent, et ayant repassé le Jourdain, ils vinrent trouver Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils lui dirent, « Le Seigneur a livré tout ce pays entre nos mains, et tous les habitants sont consternés par la frayeur qui les a saisis. » Josué, s'étendant levé avant le jour, décampa. Et étant sorti de Sétim, lui et tous les enfants d'Israël, ils vinrent jusqu'au Jourdain, où ils demeurèrent 3 jours. Ce temps expiré, les héros passèrent par le milieu du camp et commencèrent à crier « Quand vous verrez l'arche de l'Alliance du Seigneur votre Dieu et les prêtres de la race de Lévi qui la porteront, levez-vous aussi, marchez à leur suite, et qu'il y ait entre vous et l'arche un espace de 2000 coudées, afin que vous la puissiez voir de loin et connaître le chemin par où vous irez, car vous n'avez jamais passé. » Et prenez garde de ne vous point approcher de l'arche. Josué dit aussi au peuple, « Sanctifiez-vous, car le Seigneur fera demain des choses merveilleuses parmi vous. » Et il dit aux prêtres, « Prenez l'arche d'alliance et marchez devant le peuple. » Ils firent ce qu'il leur avait demandé, et ayant pris l'arche, ils marchèrent devant le peuple. Alors le Seigneur dit à Josué, « Je commencerai aujourd'hui à vous exalter devant tout Israël, afin qu'ils sachent que je suis avec vous, comme je l'ai été avec Moïse. Donnez donc cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance, et dites-leur, lorsque vous serez au milieu de l'eau du Jourdain, arrêtez-vous là. » Alors Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez-vous et écoutez la parole du Seigneur votre Dieu. » Puis il ajouta, « Vous reconnaîtrez à ceci que le Seigneur, le Dieu vivant, est au milieu de vous et qu'il exterminera à vos yeux les Cananéens, les Hétéens, les Évéens, les Phérézéens, les Gergéséens, les Jébuséens et les Amoréens. L'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre marchera devant vous à travers le Jourdain. Tenez prêts 12 hommes des 12 tribus d'Israël, un de chaque tribu. Et lorsque les prêtres qui portent l'arche du Seigneur, le Dieu de toute la terre, auront mis le pied dans les eaux du Jourdain, les eaux d'en bas s'écouleront et laisseront le fleuve à sec. Mais celles qui viennent d'en haut s'arrêteront et demeureront suspendues. Le peuple sortit donc de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les prêtres qui portaient l'arche d'alliance marchaient devant lui. Et aussitôt que ces prêtres furent entrés dans le Jourdain et que l'eau commença à mouiller leurs pieds, c'était au temps de la moisson où le Jourdain regorgeait par-dessus ses bords, les eaux qui venaient d'en haut s'arrêtèrent en un même lieu, et s'élevant comme une montagne, elles paraissaient de bien loin, depuis la ville qui s'appelle Adam jusqu'au lieu appelé Sartan. Mais les eaux d'en bas s'écoulèrent dans la mer du désert, qui est appelée maintenant la mer morte, jusqu'à ce qu'il n'en restât plus du tout. Cependant, le peuple marchait vis-à-vis de Jéricho. Et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance du Seigneur se tenaient toujours dans le même état sur la terre sèche au milieu du Jourdain, et tout le peuple passait à travers le canal qui était à sec. Après qu'ils furent passés, le Seigneur dit à Josué, « Choisissez 12 hommes, un de chaque tribu, et commandez-leur d'emporter du milieu du lit du Jourdain, où les pieds des prêtres se sont arrêtés, 12 pierres très dures, que vous mettrez dans le camp au lieu où vous aurez dressé vos tentes cette nuit. » Josué appela donc 12 hommes qu'il avait choisis d'entre les enfants d'Israël, un de chaque tribu, et il leur dit, « Allez devant l'arche du Seigneur votre Dieu au milieu du Jourdain, et que chacun de vous emporte de là une pierre sur ses épaules, selon le nombre des enfants d'Israël, afin qu'elle serve de signe et de monument parmi vous. Et à l'avenir, quand vos enfants vous demanderont que signifient ces pierres, vous leur répondrez, les eaux du Jourdain se sont desséchées devant l'arche d'alliance du Seigneur lorsqu'elle passait à travers ce fleuve. C'est pourquoi ces pierres ont été mises en ce lieu, pour servir aux enfants d'Israël de monument éternel. » Les enfants d'Israël firent donc ce que Josué leur avait demandé. Ils prirent du milieu du lit du Jourdain 12 pierres, selon le nombre des enfants d'Israël, comme le Seigneur le leur avait commandé, et les portant jusqu'au lieu où ils campèrent, ils les posèrent là. Josué mit aussi 12 autres pierres au milieu du lit du Jourdain, où les prêtres qui portaient l'arche d'alliance s'étaient arrêtés, et elles y sont demeurées jusqu'à ce jour. Or les prêtres qui portaient l'arche se tenaient au milieu du Jourdain, jusqu'à ce que fût accompli tout ce que le Seigneur avait commandé à Josué de dire au peuple et que Moïse lui avait dit. Et le peuple se hâta et passa le fleuve. Et après que tous furent passés, l'arche du Seigneur passa aussi, et les prêtres allèrent se placer devant le peuple. Les enfants de Ruben et de Gad et la demi-tribu de Manassé allaient aussi en armes devant les enfants d'Israël, selon que Moïse le leur avait ordonné. Et leurs 40 000 combattants marchaient sous leurs enseignes en plusieurs troupes à travers la plaine et les campagnes de la ville de Jéricho. En ce jour-là, le Seigneur exalta Josué devant tout Israël, afin qu'ils le respectassent comme ils avaient respecté Moïse pendant qu'il vivait. Et il dit à Josué, « Ordonnez aux prêtres qui portent l'arche d'alliance de sortir du Jourdain. » Josué leur donna cet ordre et leur dit « Sortez du Jourdain ». Et les prêtres qui portaient l'arche d'alliance du Seigneur, étant sortis du fleuve, ayant commencé à marcher sur la terre sèche, les eaux du Jourdain revinrent dans leur lit et coulèrent comme auparavant. Or le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et ils campèrent à Galgala vers le côté de l'Orient de la ville de Jéricho. Josué mit aussi à Galgala les 12 pierres qui avaient été prises au fond du Jourdain, et il dit aux enfants d'Israël, « Quand vos enfants interrogeront un jour leur père et leur diront « Que signifient ces pierres ?» vous leur apprendrez et vous leur direz, « Israël a passé à pied sec à travers le lit du Jourdain, le Seigneur votre Dieu ayant desséché les eaux devant vous jusqu'à ce que vous fussiez passés, comme il avait fait auparavant pour la mer Rouge, dont il dessécha les eaux jusqu'à ce que nous fussions passés, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent la main toute puissante du Seigneur et que vous appreniez vous-même à craindre en tout temps le Seigneur votre Dieu. » Tous les rois des Amoréens qui habitaient au-delà du Jourdain, du côté de l'Occident, et tous les rois de Canaan qui possédaient le pays le plus rapproché de la Grande Mer, ayant appris que le Seigneur avait desséché les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'ils fussent passés, leur cœur fut tout abattu, et il ne demeura plus en eux aucune force, tant ils craignaient que les enfants d'Israël n'entrassent chez eux. En ce temps-là, le Seigneur dit à Josué, « Faites-vous des couteaux de pierre et pratiquez une seconde fois la circoncision sur les enfants d'Israël. » Josué fit ce que le Seigneur lui avait commandé et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline de la circoncision. Et voici la cause de cette seconde circoncision. Tous les mâles d'entre le peuple qui étaient sortis d'Égypte, qui étaient tous hommes de guerre, moururent dans le désert pendant les longs circuits de chemin qu'ils y firent. Ils avaient tous été circoncis. Mais le peuple qui était né dans le désert pendant les 40 années de marche dans cette vaste solitude n'avait pas été circoncis, jusqu'à ce qu'eussent disparu ceux qui n'avaient point écouté la voix du Seigneur et auxquels il avait juré auparavant qu'il ne leur ferait pas voir la terre où coulait le lait et le miel. Les enfants de ces hommes prirent la place de leur père et furent circoncis par Josué, car ils étaient demeurés incirconcis et tels qu'ils étaient nés, et pendant le chemin personne ne les avait circoncis. Or, après qu'ils eurent tous été circoncis, ils demeurèrent au même lieu sans décamper jusqu'à leur guérison. Alors le Seigneur dit à Josué, « J'ai levé aujourd'hui de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé Galgala, comme on l'appelle encore aujourd'hui. Les enfants d'Israël demeurèrent à Galgala, et ils y firent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des fruits de la terre, des pains sans levain, de la farine d'orge de la même année, séchée au feu. Et après qu'ils eurent mangé des fruits du pays, la manne cessa. Et les enfants d'Israël n'usèrent plus de cette nourriture, mais ils mangèrent des fruits que la terre de Canaan avait portés l'année même. Or, comme Josué était sur le territoire de la ville de Jéricho, il leva les yeux, et ayant vu devant lui un homme qui était debout, et qui tenait en sa main une épée nue, il alla à lui et lui dit, « Êtes-vous des nôtres ou des ennemis ?» Il lui répondit, « Non, mais je suis le prince de l'armée du Seigneur, et je viens maintenant. » Josué se jeta le visage contre terre, et l'adorant, il dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur veut ordonner à son serviteur ?»« Ôtez, lui dit-il, vos chaussures de vos pieds, parce que le lieu où vous êtes est saint. » Et Josué fit ce qu'il lui avait commandé. Cependant, Jéricho était fermé et barricadé dans la crainte où l'on y était des enfants d'Israël, et nul n'osait y entrer ni en sortir. Alors le Seigneur dit à Josué, « Je vous ai livré entre les mains Jéricho et son roi et tous ses vaillants hommes. Faites le tour de la ville, tous tant que vous êtes de gens de guerre une fois par jour. Vous ferez la même chose pendant 6 jours. Mais qu'au 7e jour, les prêtres prennent les 7 trompettes dont on se sert dans l'année du jubilé et qu'elles marchent devant l'arche d'alliance. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Et lorsque les trompettes sonneront d'un son plus long et plus coupé et que ce bruit aura frappé vos oreilles, tout le peuple poussera de grands cris. Et alors les murailles de la ville tomberont jusqu'au fondement et chacun entrera par l'endroit qui se trouvera vis-à-vis de lui. » En même temps, Josué, fils de Nun, appela les prêtres et leur dit « Prenez l'arche d'alliance, et que 7 autres prêtres prennent les 7 trompettes du jubilé et qu'ils marchent devant l'arche du Seigneur. » Il dit aussi au peuple « Allez, et faites le tour de la ville, marchant les armes à la main devant l'arche du Seigneur. » Josué, ayant fini ses paroles, les 7 prêtres commencèrent à sonner des 7 trompettes devant l'arche de l'Alliance du Seigneur. Toute l'armée marcha devant l'arche, et le reste du peuple la suivit, et le bruit des trompettes retentit de toutes parts. Or Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne jetterez aucun cri, on n'entendra aucune voix, et il ne sortira aucune parole de votre bouche, jusqu'à ce que le jour soit venu où je vous dirai « Criez et faites un grand bruit. » Ainsi, l'arche du Seigneur fit le premier jour une fois le tour de la ville, et elle retourna au camp et y demeura. Et Josué s'étant levé avant le jour, les prêtres prirent l'arche du Seigneur, et 7 d'entre eux prirent les 7 trompettes dont on se sert l'année du jubilé. Et ils marchèrent devant l'arche du Seigneur, et sonnèrent de la trompette en marchant. Toute l'armée marchait devant eux, et le reste du peuple suivait l'arche, et les trompettes retentissaient. Et ayant fait une fois le tour de la ville au second jour, ils revinrent dans le camp. Ils firent la même chose pendant 6 jours. Mais le 7e jour, s'étant levé de grand matin, ils firent 7 fois le tour de la ville comme il leur avait été ordonné. Et pendant que les prêtres sonnaient de la trompette au 7e jour, Josué dit à tout Israël, « Jetez un grand cri, car le Seigneur vous a livré Jéricho. Que cette ville soit en anathème et que tout ce qui s'y trouvera soit consacré au Seigneur. Que seule Rahab, la courtisane et la vie sauve, avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, parce qu'elle a caché ceux que nous avions envoyés pour reconnaître le pays. Mais pour vous, prenez bien garde de toucher à quoi que ce soit contre l'ordre qui vous en a été donné, de peur de vous rendre coupable de prévarication et d'attirer ainsi le trouble et le péché sur toute l'armée d'Israël. Que tout ce qui se trouvera d'or et d'argent et d'objets d'airain et de fer soit consacré au Seigneur et mis en réserve dans ses trésors. » Tout le peuple, ayant donc poussé un grand cri et les trompettes sonnant, la voix et le son n'eurent pas plutôt frappé les oreilles de la multitude que les murailles tombèrent. Et chacun monta par l'endroit qui était vis-à-vis de lui. Ils prirent ainsi la ville. Et ils tuèrent tout ce qui s'y rencontra, depuis les hommes jusqu'aux femmes, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ils firent passer aussi au fil de l'épée les bœufs, les brebis et les ânes. Alors Josué dit aux 2 hommes qui avaient été envoyés pour reconnaître le pays, « Entrez dans la maison de la courtisane et faites-la sortir avec tout ce qui est à elle, et comme vous le lui avez promis sous le sceau du serment. » Les 2 hommes, étant entrés dans la maison, en firent sortir Rahab, son père et sa mère, ses frères et ses parents, et tout ce qui était à elle, et les firent demeurer hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouva, excepté l'or et l'argent, les objets d'airain et de fer qu'ils consacrèrent pour trésor du Seigneur. Mais Josué sauva Rahab la courtisane et la maison de son père avec tout ce qu'elle avait, et ils demeurèrent au milieu du peuple d'Israël comme ils y sont encore aujourd'hui, parce qu'elle avait caché les 2 hommes qu'il avait envoyés pour reconnaître Jéricho. Alors Josué fit cette imprécation et il dit « Maudit soit devant le Seigneur l'homme qui relèvera et rebâtira la ville de Jéricho. Que son premier-né meure lorsqu'il en jettera les fondements et qu'il perde le dernier de ses enfants lorsqu'il en mettra les portes. » Le Seigneur fut donc avec Josué et son nom devint célèbre dans tout le pays. Or les enfants d'Israël violèrent la défense qu'ils leur avaient faite, et ils prirent pour eux de ce qui avait été mis sous l'anathème. Car Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zaré de la tribu de Juda, déroba quelque chose de l'anathème, et le Seigneur s'irrita contre les enfants d'Israël. En même temps, Josué envoya de Jéricho des hommes contre Haï, qui est près de Bethaven, à l'orient de la ville de Bethel, et il leur dit « Allez et reconnaissez le pays ». Ils firent ce qui leur avait été commandé et reconnurent la ville de Haï. Et étant revenus, ils lui dirent « Qu'on ne fasse pas marcher tout le peuple, mais qu'on envoie 2 ou 3 000 hommes pour détruire cette ville. Qu'est-il nécessaire de fatiguer inutilement tout le peuple contre un si petit nombre d'ennemis ?» 3 000 hommes marchèrent donc en armes contre Haï. Mais, ayant tourné le dos aussitôt, ils furent chargés par ceux de la ville d'Haï, et il y en eut 36 de tués. Les ennemis les poursuivirent depuis leur porte jusqu'à Sabarim et tuèrent ceux qui s'enfuyaient vers la descente. Alors, le cœur du peuple fut saisi de crainte et devint comme de l'eau qui s'écoule. Mais Josué déchira ses vêtements, se jeta visage contre terre devant l'arche du Seigneur et demeura prosterné jusqu'au soir avec tous les anciens d'Israël, et ils se mirent de la poussière sur la tête. Et Josué dit, « Hélas, Seigneur mon Dieu, avez-vous donc voulu faire passer à ce peuple le fleuve du Jourdain pour nous livrer entre les mains des Amoréens et pour nous perdre ? Il eût été à souhaiter que nous fussions demeurés au-delà du Jourdain, comme nous avions commencé de le faire. Que dirais-je, ô Dieu mon Seigneur, en voyant Israël prendre la fuite devant ses ennemis ? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'entendront dire, et s'unissant ensemble, ils nous envelopperont, extermineront notre nom de dessus la terre. Et alors que deviendra la gloire de votre grand nom ? Le Seigneur dit à Josué, levez-vous. Pourquoi vous tenez-vous couché par terre ? Israël a péché, et il a trahi le pacte que j'avais fait avec lui. Ils ont pris de ce qui était sous l'anathème, ils en ont dérobé. Ils ont menti et ils ont caché leur vol parmi les bagages. Israël ne pourra plus tenir contre ses ennemis. Il fuira devant eux parce qu'il s'est souillé de l'anathème. Je ne serai plus avec vous jusqu'à ce que vous ayez exterminé celui qui est coupable de ce crime. Levez-vous, sanctifiez le peuple et dites-leur, sanctifiez-vous pour demain, car voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. L'anathème est au milieu de vous, Israël. Vous ne pouvez soutenir l'effort de vos ennemis jusqu'à ce que celui qui est souillé de ce crime ait été exterminé d'au milieu de vous. Vous vous présenterez demain matin, chacun dans votre tribu, et le sort étant tombé sur l'une des tribus, on passera de cette tribu aux familles qui la composent, des familles aux maisons et de la maison à chaque particulier. Et quiconque sera trouvé coupable de ce crime sera brûlé avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a violé l'alliance du Seigneur et qu'il a fait une chose détestable dans Israël. Josué, se levant donc de grand matin, fit assembler Israël par tribu, et le sort tomba sur la tribu de Juda. Lorsqu'elle se fut présentée avec toutes ses familles, le sort tomba sur la famille de Zaré. Cette famille s'étant présentée par maison, le sort tomba sur la maison de Zabdi, dont tous les membres s'étant présentés séparément, le sort tomba sur Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zaré de la tribu de Juda. Et Josué dit à Akan, « Mon fils, rendez gloire au Seigneur, Dieu d'Israël. Confessez votre faute et déclarez-moi ce que vous avez fait sans en rien cacher. » Et Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre le Seigneur, Dieu d'Israël, et voici tout ce que j'ai fait. Ayant vu parmi les dépouilles un manteau d'écarlate qui était fort bon, et 200 cycles d'argent avec une règle d'or de 50 cycles, je les convoitai, et les ayant pris, je les cachai en terre au milieu de ma tente, et je cachai aussi l'argent dans une fosse que je fis. » Josué envoya donc des gens qui coururent à la tente d'Akan et trouvèrent tout ce qui était caché avec l'argent à l'endroit qu'il avait indiqué. Et ayant tiré toutes ces choses hors de sa tente, ils les portèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les jetèrent devant le Seigneur. Or Josué et tout Israël qui était avec lui, ayant pris Akan, fils de Zaré, et l'argent, le manteau et la règle d'or, avec ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes et ses brebis, et sa tente même, et tout ce qui était à lui, les menèrent dans la vallée d'Akor, où Josué lui dit, « Parce que vous nous avez tous troublés, que le Seigneur vous trouble et vous extermine en ce jour-ci. » Et tout Israël le lapida, et tout ce qui avait été à lui fut consumé par le feu. Et ils amassèrent sur lui un grand monceau de pierres qui est demeuré jusqu'à ce jour. Ainsi, la fureur du Seigneur se détourna de dessus eux, et ce lieu fut appelé et s'appelle encore la vallée d'Akor. Thank you. Le Seigneur dit alors à Josué, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Allez, conduisez toute l'armée et marchez contre la ville d'Aï. Je vous en ai livré le roi et le peuple, la ville et tout le pays. Et vous traiterez la ville d'Aï et son roi, comme vous avez traité Jéricho et son roi. Mais vous prendrez pour vous tout le butin et tout le bétail. Dressez une embuscade derrière la ville. » Josué se leva donc, et toute l'armée avec lui, pour marcher contre Haï. Et il envoya la nuit 30 000 hommes choisis parmi les plus vaillants. Et il leur donna cet ordre, « Dressez une embuscade derrière la ville, ne vous éloignez pas beaucoup et tenez-vous tous prêts. Et pour moi, j'irai attaquer la ville d'un autre côté avec tout le reste du peuple qui est avec moi. Et lorsqu'ils sortiront contre nous, nous tournerons le dos pour fuir comme nous avons fait auparavant, jusqu'à ce que ceux qui nous poursuivront aient été attirés plus loin de la ville, car ils croiront que nous fuirons en effet comme nous avons fait la première fois. Lors donc que nous fuirons et qu'ils nous poursuivront, vous sortirez de votre embuscade et vous détruirez la ville, car le Seigneur votre Dieu vous la livrera entre vos mains. Quand vous l'aurez prise, brûlez-la et faites tout selon l'ordre que je vous donne. » Josué les fit donc partir, et ils allèrent au lieu de l'embuscade et se placèrent entre Bethel et Haï, à l'occident de la ville d'Haï. Mais Josué demeura cette nuit-là au milieu du peuple. Et le lendemain, s'étant levé le jour, il fit la revue de ses gens et marcha avec les anciens à la tête de l'armée, soutenu du gros de ses troupes. Et lorsqu'ils furent arrivés et qu'ils furent montés devant la ville, ils s'arrêtèrent du côté du septentrion. Il y avait une vallée entre eux et la ville. Josué avait choisi 5 000 hommes, qu'il avait mis en embuscade entre Bethel et Haï, à l'occident de cette même ville. Et tout le reste de l'armée marchait en bataille du côté du septentrion, en sorte que les derniers rangs s'étendaient jusqu'à l'occident de la ville. Josué, ayant donc marché cette nuit-là, s'arrêta au milieu de la vallée. Le roi d'Haï, l'ayant vu, sortit en grande hâte dès la pointe du jour avec toute l'armée qui était dans la ville, et il conduisit ses troupes du côté du désert, ne sachant pas qu'il y avait des gens en embuscade derrière lui. En même temps, Josué et tout Israël lâchèrent pied, faisant semblant d'être épouvantés et fuyant par le chemin qui mène au désert. Mais ceux d'Haï, jetant tous ensemble un grand cri et s'encourageant mutuellement, les poursuivirent. Lorsqu'ils furent tous sortis de la ville, sans qu'il en demeurât un seul dans Haï et dans Bethel qui ne poursuivit Israël, car ils étaient sortis en foule, ayant laissé leur ville ouverte, le Seigneur dit à Josué, « Levez contre la ville de Haï le bouclier que vous tenez à la main, parce que je vous la livrerai. » Et après qu'il eut levé son bouclier contre la ville, ceux qui étaient cachés en embuscade se levèrent aussitôt et marchèrent vers la ville, la prirent et la brûlèrent. Mais les guerriers de la ville qui poursuivaient Josué, regardant derrière eux et voyant la fumée de la ville qui s'élevait jusqu'au ciel, ne purent plus fuir ni d'un côté ni d'un autre, surtout parce que ceux qui avaient fait semblant de fuir et qui marchaient du côté du désert se retournèrent contre eux et attaquèrent vivement ceux qui les avaient poursuivis jusqu'alors. Or Josué et tout Israël, voyant que la ville était prise et que la fumée montait en haut, se retournèrent contre ceux d'Haï et les taillèrent en pièces. Car en même temps, ceux qui avaient pris et brûlé la ville en étant sortis pour venir au devant des leurs, commencèrent à charger et à envelopper les ennemis qui se trouvèrent tellement battus par devant et par derrière qu'il ne s'en sauva pas un seul d'un si grand nombre. Ils prirent aussi vivant le roi de la ville d'Haï et le présentèrent à Josué. Tout ce don qui avait poursuivi les Israélites lorsqu'ils fuyaient vers le désert ayant été tués, et un grand carnage s'en étant fait en ce même lieu, les enfants d'Israël entrèrent dans la ville et tuèrent tout ce qui s'y rencontra. Ceux qui furent tués ce jour-là, tant hommes que femmes, furent au nombre de 12 000, tous de la ville d'Haï. Et Josué tenant son bouclier, ne baissa point la main qu'il avait élevée en haut jusqu'à ce que tous les habitants d'Haï eussent été tués. Les enfants d'Israël partagèrent entre eux le bétail et tout le butin de la ville selon l'ordre que Josué en avait reçu du Seigneur. Josué brûla ensuite la ville et il en fit un tombeau éternel. Il fit attacher à une potence le roi d'Haï qui demeura jusqu'au soir et jusqu'au soleil couché. Et alors Josué commanda qu'on descendît le corps de la potence, ce qui fut fait. Ils le jetèrent à l'entrée de la ville, et ils mirent sur lui un grand monceau de pierres qui y est demeuré jusqu'à ce jour. Alors Josué éleva un autel au Seigneur Dieu d'Israël sur le mont Ébal, selon que Moïse, serviteur du Seigneur, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, ainsi qu'il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Il fit cet autel de pierre non polie que le fer n'avait point touché, et il offrit dessus des holocaustes au Seigneur et immola des victimes pacifiques. Il écrivit aussi sur des pierres le Deutéronome de la loi de Moïse que Moïse avait exposé devant les enfants d'Israël. Tout le peuple et les anciens, les officiers et les juges étaient debout des deux côtés de l'arche, devant les prêtres qui portaient l'arche d'alliance du Seigneur, les étrangers y étant en leur rang comme les Hébreux. La moitié était près du mont Garizim et l'autre moitié près du mont Ébal, selon que Moïse, serviteur du Seigneur, l'avait ordonné. Josué bénit d'abord le peuple d'Israël, et ensuite il lut toutes les paroles de bénédiction et de malédiction, et tout ce qui était écrit dans le livre de la loi. Il n'omit rien de tout ce que Moïse avait ordonné de dire, mais il répéta de nouveau toutes choses devant tout le peuple d'Israël, devant les femmes, les petits-enfants et les étrangers qui demeuraient parmi eux. À la nouvelle de ces événements, tous les rois d'au-delà du Jourdain qui demeuraient dans les montagnes et dans les plaines, dans les lieux maritimes et sur le rivage de la grande mer, et ceux qui habitaient près du Liban, les Hétéens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérézéens, les Évéens et les Jébuséens, s'unirent tous ensemble pour combattre contre Josué et contre Israël d'un même cœur et d'un même esprit. Mais les habitants de Gabaon, ayant appris tout ce que Josué avait fait à Jéricho et à la ville d'Haï, et usant d'adresse, prirent des vivres avec eux et mirent de vieux sacs sur leurs ânes, des outres pour mettre le vin, toutes rompues et recousues, de vieux souliers rapiécés pour les faire paraître encore plus vieux. Ils étaient aussi couverts de vieux habits, et les pains qu'ils portaient pour leur nourriture durant le chemin étaient fort durs et rompus par morceaux. Ils se présentèrent dans cet état à Josué, qui était alors dans le camp de Galgala, et ils lui dirent, ainsi qu'à tout Israël, « Nous venons d'un pays très éloigné, dans le désir de faire la paix avec vous. » Les enfants d'Israël leur répondirent, « Peut-être demeurez-vous dans ce pays-ci, qui nous a été réservé comme notre partage, et dans ce cas, nous ne pourrions faire alliance avec vous. » Mais ils dirent à Josué, « Nous sommes vos serviteurs. Qui êtes-vous ? Leur dit Josué, et d'où venez-vous ? » Ils lui répondirent, « Vos serviteurs sont venus d'un pays très éloigné, au nom du Seigneur votre Dieu, car le bruit de sa puissance est venu jusqu'à nous. Nous avons été informés de toutes les choses qu'il a faites en Égypte, et de quelle manière il a traité les deux rois des Amoréens qui étaient au-delà du Jourdain, Séon, roi des Hébons, et Og, roi de Basan, qui était à Astaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez avec vous des vivres pour un si long voyage, et allez au-devant d'eux, et dites-leur, « Nous sommes vos serviteurs, faites alliance avec nous. » Voilà les pains que nous avons pris tout chaud quand nous partîmes de chez nous pour venir vous trouver. Et maintenant, ils sont tout secs, et ils le rompent en pièces tant ils sont vieux. Ces outres étaient neuves quand nous les avons remplies de vin, et maintenant elles sont toutes rompues. Nos habits et les souliers que nous avons aux pieds se sont tout usés dans un si long voyage, et ils ne valent plus rien. » Les notables d'Israël prirent don de leurs vivres, et ils ne consultèrent point le Seigneur. Et Josué, ayant pour eux des pensées de paix, fit alliance avec eux. Il leur promit qu'on leur sauverait la vie, ce que les princes du peuple leur jurèrent aussi. Mais 3 jours après que l'alliance eut été faite, ils apprirent que ces peuples habitaient dans le pays voisin et qu'ils allaient entrer sur leur terre. Et les enfants d'Israël, ayant décampé, vinrent 3 jours plus tard dans les villes des Gabaonites, dont voici les noms. Gabaon, Kaphira, Béroth et Kariath-Yarim. Cependant, ils ne les tuèrent point, parce que les princes du peuple avaient juré l'alliance avec eux au nom du Seigneur Dieu d'Israël. Mais tout le peuple murmura contre les princes. Et les princes leur répondirent, « Nous leur avons juré au nom du Seigneur Dieu d'Israël. Ainsi, nous ne pouvons leur faire aucun mal. Mais voici comment nous les traiterons. Ils auront, à la vérité, la vie sauve, de peur que la colère du Seigneur ne s'élève contre nous si nous nous parjurons. Mais ils vivront de telle sorte qu'ils seront employés à couper du bois et à porter de l'eau pour le service de tout le peuple. » Lorsque les princes parlaient ainsi, Josué appela les Gabaonites et leur dit, « Pourquoi avez-vous voulu nous surprendre par votre mensonge en disant, « Nous demeurons fort loin de vous, puisqu'au contraire vous êtes au milieu de nous. C'est pour cela que vous serez sous la malédiction de la servitude et qu'il y aura toujours dans votre race des gens qui couperont le bois et qui porteront l'eau dans la maison de mon Dieu. » Ils lui répondirent, « Le bruit était venu jusqu'à nous, qui sommes vos serviteurs, que le Seigneur votre Dieu avait promis à Moïse son serviteur de vous donner tout ce pays et d'en exterminer tous les habitants, ce qui nous jeta dans une grande crainte et nous obligea, par la terreur dont nous nous trouvâmes frappés, à former ce dessein pour mettre nos vies en sûreté. Mais maintenant, nous sommes dans votre main. Faites de nous tout ce que vous jugerez bon et selon l'équité. » Josué fit donc ce qu'il avait dit, et il les délivra des mains des enfants d'Israël, en ne permettant pas qu'on les tuât. Et il arrêta dès ce jour-là qu'ils seraient employés au service de tout le peuple et de l'autel du Seigneur, coupant le bois et portant l'eau au lieu que le Seigneur aurait choisi, comme ils font encore jusqu'à présent. Mais Adonizédek, roi de Jérusalem, ayant appris que Josué avait pris et détruit la ville d'Aï, car il avait traité Aï et le roi d'Aï comme il avait traité Jéricho et le roi de Jéricho, et voyant aussi que les Gabaonites avaient passé du côté des enfants d'Israël et avaient fait alliance avec eux, fut saisi d'une crainte violente. Car Gabaon était une grande ville, une des villes royales, et plus grande que la ville d'Aï, et tous les gens de guerre de cette ville étaient très vaillants. Alors dont Adonizédek, roi de Jérusalem, envoya vers Oham, roi d'Hébron, vers Pharam, roi de Jérimoth, vers Japhia, roi de Lachis, vers Dabir, roi d'Églon, et leur fit dire, « Venez avec moi et donnez-moi du secours, afin que nous prenions Gabaon et que nous nous en rendions les maîtres, parce qu'elle a passé du côté de Josué et des enfants d'Israël. » Ainsi, ces 5 rois des Amoréens s'unirent ensemble, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jérimoth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Ils marchèrent avec toutes leurs troupes, et ayant campé près de Gabaon, ils l'assiégèrent. Or, les habitants de Gabaon, voyant leur ville assiégée, envoyèrent à Josué, qui était alors dans le camp près de Galgala, et lui dirent, ne refusez pas votre secours à vos serviteurs. Venez vite et délivrez-nous par l'assistance que vous nous donnerez, car tous les rois des Amoréens qui habitent dans les montagnes se sont unis contre nous. » Josué monta de Galgala, et avec lui tous les gens de guerre de son armée, tous très vaillants. Et le Seigneur dit à Josué, « Ne les craignez point, car je les ai livrés entre vos mains, et nul d'entre eux ne pourra vous résister. » Josué tomba sur eux, à l'improviste, après avoir monté toute la nuit depuis Galgala. Et le Seigneur les épouvanta, et les mit tous en désordre à la vue d'Israël. Et il leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Josué les poursuivit par le chemin qui monte vers Bétoron, et les tailla en pièces jusqu'à Azeka et à Masséda. Et tandis qu'ils fuyaient devant les enfants d'Israël et qu'ils étaient à la descente de Bétoron, le Seigneur fit tomber du ciel de grosses pierres sur eux jusqu'à Azeka. Et cette grêle de pierres qui tomba sur eux en toi beaucoup plus que les enfants d'Israël n'en avaient tué avec l'épée. Alors Josué parla au Seigneur en ce jour où il avait livré les Amoréens entre les mains des enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, n'avance pas sur la vallée d'Aïalon. » Et le soleil et la lune s'arrêtèrent jusqu'à ce que le peuple se fût vengé de ses ennemis. N'est-ce pas ce qui est écrit au livre des justes ? Le soleil s'arrêta donc au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher durant l'espace d'un jour. Jamais jour, soit avant, soit après, ne fut si long que celui-là, le Seigneur obéissant alors à la voix d'un homme et combattant pour Israël. Josué revint ensuite au camp de Galgala avec tout Israël, car les cinq rois s'étaient enfuis et s'étaient cachés dans une caverne de la ville de Masséda. Et l'on vint dire à Josué qu'on avait trouvé les cinq rois cachés dans une caverne de la ville de Masséda. Alors Josué donna cet ordre à ceux qui l'accompagnaient. « Roulez de grandes pierres à l'entrée de la caverne et laissez des hommes intelligents pour garder ceux qui y sont cachés. » Quant à vous, ne vous arrêtez point, poursuivez l'ennemi, tuez tous les derniers des fuyards et ne souffrez pas qu'ils se sauvent dans leur ville, puisque le Seigneur votre Dieu les a livrés entre vos mains. Les ennemis, ayant donc été tous défaits et taillés en pièces, sans qu'il en demeurât presque un seul, ceux qui purent échapper des mains d'Israël se retirèrent dans les villes fortes. Et toute l'armée revint, sans aucune perte et en même nombre auprès de Josué à Masséda, où le camp était alors. Et nul n'osa ouvrir seulement la bouche contre les enfants d'Israël. Alors Josué fit ce commandement, « Ouvrez la caverne et amenez devant moi les cinq rois qui y sont cachés. » Ces gens firent ce qui leur avait été commandé, et faisant sortir de la caverne les cinq rois, ils les lui amenèrent. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jérimoth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Et après qu'ils eurent été amenés en sa présence, il convoqua tout le peuple d'Israël, et s'adressant aux principaux officiers de l'armée qui étaient avec lui, il leur dit « Allez, et mettez le pied sur le cou de ces rois. » Ils y allèrent, et pendant qu'il leur tenait le pied sur la gorge, Josué ajouta « N'ayez point de peur, bannissez toute crainte, ayez de la fermeté, et armez-vous de courage, car c'est ainsi que le Seigneur traitera tous les ennemis que vous avez à combattre. » Après cela, Josué frappa ses rois et les tua. Et il les fit ensuite attacher à cinq potences, où ils demeurèrent pendus jusqu'au soir. Et lorsque le soleil se couchait, il commanda à ceux qui l'accompagnaient de les descendre de la potence, et les ayant descendus, ils les jetèrent dans la caverne où ils avaient été cachés, et mirent à l'entrée de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit aussi la ville de Masséda le même jour et y fit passer tout au fil de l'épée. Il en fit mourir le roi et tous les habitants sans qu'il en restât aucun, et il traita le roi de Masséda comme il avait traité le roi de Jéricho. De Masséda, il passa avec tout Israël à Lebna, qu'il attaqua, et le Seigneur livra la ville et le roi entre les mains d'Israël. Ils firent passer au fil de l'épée tout ce qui se trouva d'habitants dans cette ville, sans y rien épargner. Et ils traitèrent le roi de Lebna comme ils avaient traité le roi de Jéricho. De Lebna, Josué passa à Lachish avec tout Israël. Et ayant posté toute son armée autour de la ville, il commença à l'assiéger. Et le Seigneur livra Lachish entre les mains d'Israël. Josué la prit le deuxième jour et fit passer au fil de l'épée tout ce qui s'y trouva, comme il avait fait à Lebna. En ce même temps, Horam, roi de Gazer, marcha pour secourir Lachish. Mais Josué le défit avec tout son peuple, sans qu'il en demeurât un seul. Il passa de Lachish à Eglon et y mit le siège. Il la prit le même jour, fit passer au fil de l'épée tout ce qui s'y trouva, et la traita comme il avait traité Lachish. Il marcha ensuite avec tout Israël d'Eglon à Hébron, et l'ayant attaqué, il la prit et tailla tout en pièces. Il tua le roi et tout ce qui se trouva dans la place et dans toutes les autres villes de ce pays-là, sans y rien épargner. Il traita à Hébron comme il avait fait d'Eglon et fit main basse sur tout ce qui s'y rencontra. De là, il retourna à Dabir, qu'il prit et ravagea, et il en fit aussi passer le roi au fil de l'épée avec tout ce qui se trouva dans la place et dans les villes d'alentour, sans y rien épargner. Et il traita Dabir et le roi de cette ville comme il avait traité Hébron et Lebna et les rois de ces deux villes. Josué détruisit donc tout le pays, tant du côté des montagnes et du midi que de la plaine, comme aussi Azédoth avec leur roi, sans y laisser les moindres restes. Il tua tout ce qui avait vie, comme le Seigneur Dieu d'Israël le lui avait commandé, depuis Kadès-Barnée jusqu'à Gaza. Il fit de même dans tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon, qu'il prit et ruina en même temps avec tout leur roi et toute leur terre, parce que le Seigneur Dieu d'Israël combattit pour lui. Et il revint avec tout Israël à Galgala, où était son camp. Mais lorsque Jabin, roi d'Azor, eut appris ces nouvelles, il envoya vers Jobab, roi de Madon, vers le roi de Séméron, vers le roi d'Aksaf et vers les rois du Septentrion qui habitaient dans les montagnes et dans la plaine du côté du Midi de Sénéroth. Il envoya aussi vers ceux qui habitaient dans les plaines et dans le pays de Dor, le long de la mer, vers les Cananéens à l'Orient et à l'Occident, vers les Amoréens, les Hétéens, les Phérézéens, les Jébuséens dans les montagnes et vers les Évéens qui habitaient au pied du mont Hermon dans la terre de Masfa. Ils se mirent tous en campagne avec leurs troupes qui consistaient en une multitude de gens de pied aussi nombreuses que le sable qui est sur le rivage de la mer et en un très grand nombre de chevaux et de chariots. Et tous ces rois se joignirent vers les eaux de Mérom pour combattre contre Israël. Alors, le Seigneur dit à Josué, « Ne les craignez point, car demain, à cette même heure, je vous les livrerai tous, et vous les battrez à la vue d'Israël. Vous ferez couper les nerfs des jambes de leurs chevaux, et vous réduirez en cendres leurs chariots. » Josué marcha donc contre eux avec toute l'armée jusqu'aux eaux de Mérom, et il les chargea à l'improviste. Et le Seigneur les livra entre les mains des enfants d'Israël, qui les défirent et les poursuivirent jusqu'à la grande Sidon, jusqu'aux eaux de Maséréphoth et jusqu'à la plaine de Masphé, qui est vers l'Orient. Josué massacra tout, sans en rien laisser échapper. Il coupa le nerf des jambes de leurs chevaux et fit mettre le feu à leurs chariots, comme le Seigneur le lui avait commandé. Et, étant aussitôt revenu, il prit Hazor et en tua le roi, car Hazor avait été de tout temps la première et la capitale de tous ses royaumes. Il en passa au fil de l'épée tous les habitants, il ravagea et extermina tout, sans y laisser rien sur pied, et il réduisit la ville en cendres. Il prit aussi, et ruina de même, toutes les villes d'alentour avec leur roi, qu'il fit mourir comme Moïse, serviteur du Seigneur, le lui avait commandé. Israël brûla toutes les villes, excepté celles qui étaient situées sur des collines et sur des hauteurs. Il n'y eut qu'Hazor, qui, étant très forte, fut entièrement brûlée. Les enfants d'Israël partagèrent entre eux tout le butin et le bétail de ces villes, après en avoir tué tous les habitants. Les ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse, son serviteur, Moïse les donna à son tour à Josué, qui les exécuta tous, sans omettre la moindre chose de tout ce que le Seigneur avait commandé à Moïse. Josué prit donc tout le pays des montagnes et du Midi, toute la terre de Gozen et la plaine et la contrée occidentale, la montagne d'Israël et les campagnes, une partie de la montagne qui s'élève vers Séir jusqu'à Baal-Gad, le long de la plaine du Liban, au-dessous du mont Hermon. Il prit tous leurs rois, les frappa et les fit mettre à mort. Josué combattit longtemps contre ses rois. Il n'y eut point de ville qui se rendit aux enfants d'Israël, excepté les Évéens qui demeuraient à Gabaon, et il les prit toutes de force. Car ça avait été la volonté du Seigneur que leurs cœurs s'endurcissent, qu'ils combattissent contre Israël, qu'ils fussent défaits, qu'ils ne méritassent aucune clémence, et qu'enfin ils fussent exterminés, selon que le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. En ce temps-là, Josué marcha contre les Hénassim du pays des montagnes, les tua, extermina d'Hébron, de Dabir, d'Anab et de toute la montagne de Juda et d'Israël, et ruina toutes leurs villes. Il ne laissa personne de la race des Hénassim dans la terre des enfants d'Israël. Il n'en resta que dans les villes de Gaza, de Jet et d'Azoth. Josué prit donc tout le pays, selon que le Seigneur l'avait promis à Moïse, et il le donna aux enfants d'Israël, afin qu'ils le possédassent, selon la part qui était échue à chacun dans sa tribu. Et la guerre cessa dans tout le pays. Voici les rois que les enfants d'Israël défirent et dont ils possédèrent le pays au-delà du Jourdain vers l'Orient, depuis le torrent d'Arnon jusqu'au mont Hermon et toute la contrée orientale qui regarde le désert. Séon, roi des Amoréens, demeurait à Hézébon. Il régnait depuis Aroer, qui est situé sur le bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu de la vallée, sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Jabbok, limite des enfants d'Ammon. Et depuis le désert jusqu'à la mer de Sénéroth vers l'Orient, et jusqu'à la mer du désert, qui est la mer Salée, vers l'Orient, le long du chemin qui mène à Beth-Simoth, et depuis le côté du Midi, qui est au-dessous d'Azédoth, jusqu'à Phasga. Le royaume d'Og, roi de Bazan, qui était des restes des géants, et qui demeurait à Astaroth et à Edraï, s'étendait depuis le mont Hermon et depuis Saleka et tout le territoire de Bazan jusqu'aux confins de Jessuri, de Makati et de la moitié de Galaad, limite de Séon, roi des Hébons. Moïse, serviteur du Seigneur, et les enfants d'Israël bâtirent ces rois. Et Moïse donna leur pays à la tribu de Ruben, à la tribu de Gad et à la demi-tribu de Manassé, pour qu'elles s'y établissent. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël défirent dans le pays situé au-delà du Jourdain, du côté de l'Occident, depuis Baal-Gad dans la plaine du Liban, jusqu'à la montagne dont une partie s'élève vers Séir, pays que Josué donna aux tribus d'Israël, afin que chacun en possédât la part qui lui serait échue, tant dans le district des montagnes que dans la plaine et dans la campagne. Les Hétéens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérézéens, les Évéens et les Jébuséens habitaient dans Azédoth, dans le désert et vers le midi. Il y avait un roi de Jéricho, un roi d'Aï, ville située à côté de Bethel, un roi de Jérusalem, un roi d'Hébron, un roi de Jérimoth, un roi de Lachis, un roi d'Églon, un roi de Gazer, un roi de Dabir, un roi de Gader, un roi d'Herma, un roi d'Ered, un roi de Lebna, un roi d'Odulam, un roi de Masséda, un roi de Bethel, un roi de Tafoua, un roi d'Opher, un roi d'Aphek, un roi de Saron, un roi de Madon, un roi d'Azor, un roi de Semron, un roi d'Aksaph, un roi de Ténath, un roi de Magédo, un roi de Kadès, un roi de Jacanan du Carmel, un roi de Dor et de la province de Dor, un roi des nations de Galgal, un roi de Tersa, en tout 31 rois. Josué étant vieux et fort avancé en âge, le Seigneur lui dit « Vous êtes devenu vieux et vous êtes avancé en âge, et il reste une région considérable qui n'a point encore été divisée par le sort, savoir toute la Galilée des Philistins et toute la terre de Jessurie, depuis le fleuve aux eaux troubles qui arrosent l'Égypte jusqu'aux confins d'Acharon vers le nord, la terre de Canaan, qui est partagé entre les cinq princes des Philistins, savoir celui de Gaza, celui d'Azoth, celui d'Ascalon, celui de Jet et celui d'Acharon. Au midi sont les Évéens, toute la terre de Canaan, Mahara des Sidoniens jusqu'à Aphek et jusqu'aux frontières des Amoréens, jusqu'aux terres qui les avoisinent, le pays du Liban vers l'Orient, depuis Baal-Gad au pied du mont Hermon, jusqu'à l'entrée des Mates. Tous ceux qui habitent sur la montagne, depuis le Liban jusqu'aux eaux de Maséréphoth, et tous les Sidoniens. C'est moi qui les exterminerai devant la face des enfants d'Israël. Que ces pays tombent donc dans la portion de l'héritage d'Israël, comme je vous l'ai ordonné. Et maintenant, partagez la terre que les 9 tribus et la moitié de la tribu de Manassé doivent posséder. L'autre moitié de cette tribu étant déjà en possession, avec les tribus de Ruben et de Gad, de la terre que Moïse, serviteur du Seigneur, leur a donnée au-delà du Jourdain du côté de l'Orient, depuis Aroer qui est sur le bord du torrent de l'Arnon et au milieu de la vallée, et toute la campagne de Médaba jusqu'à Dibon, et toutes les villes de Séon, roi des Amoréens, qui régnait depuis Hézébon jusqu'aux frontières des enfants d'Ammon, Galaad, les confins de Jessurie et de Makati, tout le mont Hermon et tout Bazan jusqu'à Saléka, tout le royaume d'Og au pays de Bazan, qui régnait à Astaroth et à Edraï et qui était des restes des géants. Moïse défit ses peuples et les détruisit. Et les enfants d'Israël ne voulurent point exterminer ceux de Jessurie et de Makati, et ils sont demeurés au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. Mais Moïse ne donna point de terre en partage à la tribu de Lévi, parce que les sacrifices et les victimes du Seigneur Dieu d'Israël sont son héritage, comme le Seigneur le lui a dit. Moïse donna donc la contrée en possession à la tribu des enfants de Ruben, selon ses familles, et leur territoire fut depuis Aroer, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et au milieu de la vallée où est ce même torrent, toute la plaine qui conduit à Medaba, Ezébon avec tous ses villages qui sont dans la plaine, Dibon, Bamoth-Baal, la ville de Baal-Mahon, Jassa, Sédimoth, Mephaat, Kariataïm, Sabama et Sarah-Tazar dans la montagne de la vallée, Beth-Fogor, Azedoth, Phasga, Beth-Jessimoth, toutes les villes de la plaine, tous les royaumes de Séon, roi des Amoréens, qui régna à Ezébon. Moïse le défie avec les princes de Madian, Évi, Ressem, Sur, Ur, Rébé, qui étaient les chefs de Séon et qui habitaient dans le pays. Les enfants d'Israël firent aussi mourir par l'épée le devin Balaam, fils de Béor, avec les autres qui furent tués. Et le pays des enfants de Ruben se termina au fleuve du Jourdain. C'est là la terre, les villes et les villages que posséda la tribu de Ruben, selon ses familles. Moïse donna aussi à la tribu de Gad et à ses enfants la terre qu'elle devait posséder selon ses familles. En voici la division. Elle possédait Jazer, toutes les villes de Galaad, la moitié de la terre des enfants d'Ammon jusqu'à Aroer, qui est vers Rabba, depuis Ezébon jusqu'à Ramoth, Masphé et Bétonim, et depuis Manaïm jusqu'aux confins de Dabir. Elle possédait aussi dans la vallée Bétharan, Beth-Nemra, Sokot et Saphon, et le reste du royaume de Séon, roi d'Ezébon. Son pays se terminait aussi au Jourdain, jusqu'à l'extrémité de la mer de Sénéret, au-delà du Jourdain vers l'Orient. C'est là la terre, les villes et les villages, que possèdent les enfants de Gad selon leur famille. Moïse donna aussi à la moitié de la tribu de Manassé et à ses enfants la terre qu'elle devait posséder selon ses familles. Elle comprenait depuis Manaïm, tout Bazan, tous les royaumes d'Og, roi de Bazan, tous les bourgs de Jaïr qui sont en Bazan, au nombre de 60 villes. La moitié de Galaad, Astaroth et Edraï, villes du royaume d'Og en Bazan. Tout cela fut donné aux enfants de Makir, fils de Manassé, c'est-à-dire à la moitié des enfants de Makir selon leur famille. Moïse fit ce partage dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho vers l'Orient. Mais il ne donna point de terre en partage à la tribu de Lévi, parce que le Seigneur Dieu d'Israël est son partage, selon qu'il le lui a dit. Voici ce que les enfants d'Israël ont possédé dans la terre de Canaan, que le grand prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les princes des familles de chaque tribu d'Israël distribuèrent aux 9 tribus et à la moitié de la tribu de Manassé, en faisant tout le partage au sort, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Car Moïse avait donné aux 2 autres tribus et à une moitié de la tribu de Manassé des terres au-delà du Jourdain, sans compter les Lévites qui ne reçurent point de terres, comme tous leurs frères. Mais les enfants de Joseph, Manassé et Éphraïm, divisés en 2 tribus, succédèrent en leur place, et les Lévites n'eurent point d'autre part dans la terre de Canaan que des villes pour y habiter, avec leurs faubourgs pour nourrir leurs bêtes et leurs troupeaux. Les enfants d'Israël exécutèrent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse, et ils partagèrent le pays. Alors les enfants de Juda vinrent trouver Josué à Galgala, et Caleb, fils de Jéphonné, Sénézéen, lui parla de cette sorte. « Vous savez ce que le Seigneur dit de moi et de vous à Moïse, homme de Dieu, lorsque nous étions à Kadès-Barné. J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur du Seigneur, m'envoya de Kadès-Barnée pour reconnaître la contrée, et je lui fis mon rapport tel que je le croyais véritable. Mais mes frères, qui y étaient allés avec moi, jetèrent l'épouvante dans le cœur du peuple, et je ne laissai pas néanmoins de suivre le Seigneur mon Dieu. En ce jour-là, Moïse me jura et me dit « La terre où vous avez mis le pied sera votre héritage et l'héritage de vos enfants à jamais, parce que vous avez suivi le Seigneur mon Dieu. Le Seigneur m'a donc conservé la vie jusqu'à ce jour, comme il le promit alors. Il y a 45 ans que le Seigneur dit cette parole à Moïse lorsqu'Israël allait par le désert. J'ai maintenant 85 ans, et je suis aussi fort que j'étais au temps où je fus envoyé pour reconnaître le pays. La même vigueur que j'avais alors m'est demeurée jusqu'à ce jour, soit pour combattre, soit pour marcher. Donnez-moi donc cette montagne que le Seigneur m'a promise, comme vous l'avez entendu vous-même, sur laquelle il y a des géants et des villes grandes et fortes, afin que j'éprouve si le Seigneur sera avec moi, et si je pourrai les exterminer, ainsi qu'il me l'a promis. » Josué bénit donc Caleb, et il lui donna Hébron pour son héritage. Et depuis ce temps-là, Hébron a été à Caleb, fils de Jéphonné, Cénézéen, jusqu'à ce jour, parce qu'il suivit le Seigneur Dieu d'Israël. Hébron s'appelait auparavant Kariath Arbé. Et il y avait en ce lieu un grand homme célèbre parmi les géants même. Toutes les guerres cessèrent alors dans le pays de Canaan. Voici la part qui échut par le sort aux enfants de Juda selon leur famille. Les limites de leur territoire sont depuis Édom, le désert de Sin, vers le midi, jusqu'à l'extrémité de la contrée méridionale. Il commence à l'extrémité de la mer Salée et à cette langue de mer qui regarde le midi. Il s'étend vers la montée du Scorpion et passe jusqu'à Sina. Il monte vers Kadès-Barnée, vient jusqu'à Esron, monte vers Adar et tourne vers Karkar. Et passant de là jusqu'à Asmona, il arrive jusqu'au torrent d'Égypte et se termine à la grande mer. Ce sont là ses limites du côté du Midi. Du côté de l'Orient, la tribu de Juda commence à la mer Salée et s'étend jusqu'à l'extrémité du Jourdain. Et du côté de l'Aquilon, depuis la langue de mer jusqu'au même fleuve du Jourdain. Sa frontière monte à Beth-Agla, passe de l'Aquilon à Beth-Araba, monte à la pierre de Boen, fils de Ruben, et s'étend jusqu'à Débéra, de la vallée d'Accor. Vers le septentrion, elle regarde Galgala, qui est vis-à-vis de la montée d'Adomine, au sud du torrent. Elle passe les eaux qui s'appellent la fontaine du soleil et vient se terminer à la fontaine de Rogel. Elle monte par la vallée du fils d'Enom, au côté méridional du pays des Jébuséens, où est la ville de Jérusalem. Et de là, montant jusqu'en haut de la montagne qui est vis-à-vis de Géhenon, à l'occident, à l'extrémité de la vallée des géants, vers l'Aquilon. Elle passe depuis le haut de la montagne jusqu'à la fontaine de Nephtoa et s'étend jusqu'au village du mont Ephron. Elle descend ensuite vers Baala, qui est Kariath Yarim, c'est-à-dire la ville des forêts. Et de Bala, tourne vers l'occident jusqu'à la montagne de Séhir, passe à côté du mont Jarim, au septentrion, vers Cheslon, descend vers Beth-Zamès, passe jusqu'à Tamna, vient vers le côté septentrional d'Acaron, descend vers Sécrona, passe le mont Baala, s'étend jusqu'à Jebneel et se termine enfin du côté de l'Occident, par la Grande Mer. Telles sont les limites des enfants de Juda, de tous côtés, selon leur famille. Mais Josué, suivant l'ordonnance du Seigneur, donna à Caleb, fils de Jéphonné, pour son partage au milieu des enfants de Juda, Kariath Arbé, ville du père d'Enak, qui est la ville d'Hébron. Et Caleb extermina de cette ville les trois enfants d'Enak, Césaïe, Aïman et Tolmaï de la race d'Enak. Et montant de ce lieu, il marcha vers les habitants de Dabir, qui s'appelait auparavant Kariat Sefer, c'est-à-dire la ville des lettres. Et Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa en mariage à quiconque prendra et détruira Kariat Sefer. » Othoniel, fils de Sénèse et jeune frère de Caleb, la prit, et il lui donna sa fille Aksa pour femme. Et tandis qu'ils marchaient ensemble, son mari lui conseilla de demander un champ à son père. Aksa, étant donc montée sur un âne, se mit à soupirer, et Caleb lui dit « Qu'avez-vous ?» Elle lui répondit « Donnez-moi une bénédiction. Vous m'avez donné une terre exposée au midi et toute sèche. Ajoutez-en une autre où il y ait des eaux en abondance. » Caleb lui donna donc en haut et en bas des lieux arrosés d'eau. C'est là l'héritage de la tribu des enfants de Juda, divisé selon ses familles. Vers l'extrémité de la terre des enfants de Juda, le long des frontières d'Édom, du côté du Midi, les villes sont Kabséel, Éder et Jagur, Sina, Dimora, Adada, Kadès, Hazor, Jetnam, Ziph, Telem, Balot, Hazor la Nouvelle et Kariot Esron, qui est la même qu'Hazor, Amam, Sama, Molada, Azergada, Assémon, Beth-Felet, Azersual, Bersabé, Basiotia, Baala, Jim, Essem, El-Tolad, Sézil, Arma, Siseleg, Medemena, Sansena, Lebaot, Selim, Aen, Raymond, qui toutes font 29 villes avec leurs villages. Et dans la plaine, Estaol, Saréa, Azéna, Zanoé et Anganim, Tafoua, Enaïm, Jérimoth, Adulam, Soko, Azeka, Saraïm, Aditaïm, Gédéra, Gédérotaïm, qui font en tout 14 villes avec leurs villages. Sanan, Adassa, Magdalgad, Déléan, Mazepha, Jectel, Lakis, Baska, Teglon, Chébon, Léhéman, Setlis, Jidéroth, Beth Dagon, Naama et Masséda, qui en tout font 16 villes avec leurs villages. Labana, Éther, Azan, Jephta, Esna, Nézib, Seila, Akzib, Maréza, qui en tout font 9 villes avec leurs villages. Acaron, avec ses bourgs et ses villages. Depuis Acaron jusqu'à la mer, tout le pays des environs. Hazor et ses villages. Azoth, avec ses bourgs et ses villages. Gaza, avec ses bourgs et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte. Et la grande mer en est le terme. Et dans la montagne, Samir, Jeter, Sokot, Dana, Kariatsena, qui est la même que Dabir, Anab, Istemo, Anim, Gozen, Olon, Gilo, qui toutes font 11 villes avec leurs villages. Arab, Ruma, Ezaan, Janum, Beth Tafoua, Afeka, Atmata, Kariat Arbé, qui est la même qu'Hébron, et Sior, qui font en tout 9 villes avec leurs villages. Mahaon, Carmel, Ziph, Jota, Jezraël, Jukadam, Zanoé, Akaïn, Gaba, Tamna, qui font en tout 10 villes avec leurs villages. Alul, Bessur, Gédor, Maret, Betanot, Eltekon, 6 villes avec leurs villages. Kariat Baal, qui est la même que Kariat Yarim, la ville des forêts, et Areba, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Betaraba, Médine, Sakaka, Nepsan et la ville du sel, et Engadi, 6 villes et leurs villages. Mais les enfants de Juda ne purent exterminer les Jébuséens qui habitaient dans Jérusalem. Et les Jébuséens ont habité dans Jérusalem avec les enfants de Juda jusqu'à ce jour. La part que le sort attribua aux fils de Joseph commençait au Jourdain, vis-à-vis de Jéricho et des eaux de cette ville vers l'Orient. La limite suivait le désert qui monte de Jéricho à la montagne de Béthel. Elle va de Béthel vers Luza, passe le long des confins d'Arki vers Ataroth, descend à l'Occident jusqu'aux confins de Géflet et aux confins de Bethoron inférieur et jusqu'à Gazer, et elle finit à la Grande Mer. C'est ce que les enfants de Joseph, Manassé et Ephraïm ont possédé. Voici la frontière des enfants d'Ephraïm selon leur famille. Leur possession était vers l'Orient, Ataroth-Adar jusqu'à Bethoron supérieur. La limite se dirige vers la mer, du côté de Makhmetat, qui regarde le septentrion, et elle tourne à l'Orient vers Tanatselo, passe de l'Orient jusqu'à Janoé, de Janoé descend jusqu'à Ataroth, et à Naharata, vient jusqu'à Jéricho et se termine au Jourdain. De Tafoa, elle passe vers la mer jusqu'à la vallée des roseaux et se termine à la mer Salée. C'est là l'héritage de la tribu des enfants d'Éphraïm, divisés selon leur famille. Et il y eut des villes avec les villages de leurs dépendances que l'on sépara du milieu de l'héritage des enfants de Manassé pour les donner aux enfants d'Éphraïm. Les enfants d'Éphraïm n'exterminèrent point les Cananéens qui habitaient dans Gazer. Mais les Cananéens ont habité jusqu'à présent au milieu d'Éphraïm, ayant été rendus tributaires. Voici le partage échu par le sort à la tribu de Manassé, qui fut le fils aîné de Joseph, à Makir, fils aîné de Manassé, et père de Galaad, qui fut un vaillant homme, et qui eut le pays de Galaad et de Bazan, et au reste des enfants de Manassé, divisés selon leur famille, aux enfants d'Abiézer, aux enfants d'Élec, aux enfants d'Esriel, aux enfants de Sékhem, aux enfants d'Épher et aux enfants de Sémida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, divisés selon leur famille. Mais Salphaad, fils d'Épher, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, n'avait point eu de fils, mais des filles seulement, dont voici les noms. Mahala, Noah, Egla, Melka et Tersa. Ces filles vinrent se présenter devant le grand prêtre Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et les princes du peuple, et leur dirent: le Seigneur a ordonné par Moïse qu'on nous donnât des terres en partage au milieu de nos frères. Josué leur donna donc des terres en partage au milieu des frères de leur père, selon que le Seigneur l'avait commandé. Ainsi la tribu de Manassé eut 10 portions dans la contrée, outre le pays de Galaad et de Bazan qui lui fut donné au-delà du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent des terres pour leur héritage parmi les enfants de Manassé, et le pays de Galaad échut en partage aux autres enfants de Manassé. La frontière de Manassé, depuis Yazer, fut Makhmetat, qui regarde vers Sikhem, et elle s'étendait à main droite le long des habitants de la fontaine de Tafoa, car le territoire de Tafoa était échu par le sort à Manassé. Mais la ville de Tafoa, qui est aux confins de Manassé, fut donnée aux enfants d'Éphraïm. Cette frontière descendait à la vallée des roseaux, vers le midi du torrent des villes d'Éphraïm, qui sont au milieu des villes de Manassé. La frontière de Manassé est au nord du torrent, et elle va se terminer à la mer. Ainsi, ce qui est du côté du midi est à Éphraïm, et ce qui est du côté du nord est à Manassé. Et la mer est la limite de l'un et de l'autre, en sorte que, du côté du nord, ils s'unissent à la tribu d'Azer et du côté du Levant à la tribu d'Issacar. Manassé eut pour héritage dans la tribu d'Issacar et d'Azer Betsan avec ses villages, Jéblaam avec ses villages, les habitants de Dor avec leurs bourgs, les habitants d'Andor avec leurs villages, les habitants de Ténac avec leurs villages, les habitants de Magédo avec leurs villages, et la troisième partie de la ville de Nophet. Les enfants de Manassé ne purent détruire ces villes, mais les Cananéens commencèrent à habiter dans ce district. Et après que les enfants d'Israël se furent fortifiés, ils s'assujettirent les Cananéens et se les rendirent tributaires. Mais ils ne les mirent pas à mort. Les enfants de Joseph s'adressèrent à Josué et lui dirent « Pourquoi ne m'avez-vous donné qu'une part pour héritage, à moi qui suis un peuple si nombreux et que le Seigneur a béni ?» Josué leur répondit « Si vous êtes un peuple si nombreux, « montez à la forêt et faites-vous de la place en coupant le bois dans le pays des Phéréséens et des Raphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. » Les enfants de Joseph lui répondirent « Nous ne pourrons gagner le pays des montagnes, parce que les Cananéens qui habitent dans la plaine où est Beth-San avec ses villages et Jézraël qui est au milieu de la vallée ont des chars de fer. » Josué répondit à la maison de Joseph, Éphraïm et Manassé. « Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande. Vous ne vous contenterez pas d'une seule part, mais vous passerez à la montagne, et vous couperez les arbres, et vous vous ferez de la place pour y habiter. Et vous pourrez passer encore plus loin, lorsque vous aurez exterminé les Cananéens que vous dites avoir des chars de fer et être un peuple très fort. » Tous les enfants d'Israël s'assemblèrent à Silo et y dressèrent le tabernacle du témoignage, et le pays leur était soumis. Or, il était resté 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué leur dit donc « Jusqu'à quand demeurerez-vous lâches et paresseux, sans vous mettre en possession de la terre que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous a donnée ? Choisissez 3 hommes de chaque tribu, afin que je les envoie pour qu'ils aillent faire le tour du pays et qu'ils en tracent le plan selon le nombre de ceux qui doivent la posséder et qu'ils me rendent compte de ce plan. Divisez entre vous la terre en 7 parts. Que Juda demeure dans ses limites du côté du midi et à la maison de Joseph du côté du nord. Décrivez le reste de la terre qui n'est point à eux et faites-en 7 parts et venez me trouver ici afin que je jette pour vous le sort devant le Seigneur, votre Dieu. Mais il n'y aura point de part au milieu de vous pour les Lévites, car le sacerdoce du Seigneur est leur héritage. Quant à la tribu de Gad, à la tribu de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, elles ont déjà reçu les terres qu'elles devaient posséder au-delà du Jourdain, à l'Orient, Moïse, serviteur du Seigneur, les leur ayant données. Ces hommes, se préparant donc à partir, pour aller faire la description de tout le pays, Josué leur donna cet ordre. « Faites le tour et la description de la contrée et revenez me trouver afin que je jette ici à Silo le sort pour vous devant le Seigneur. » Étant partis, ils reconnurent avec soin la contrée et la divisèrent en 7 parts qu'ils écrivirent dans un livre. Et ils revinrent au camp à Silo trouver Josué, lequel jeta le sort devant le Seigneur à Silo et divisa la contrée en 7 parts pour les enfants d'Israël. Le premier lot qui sortit fut celui des enfants de Benjamin, selon leur famille, qui eurent pour leur part le pays situé entre les enfants de Juda et les enfants de Joseph. Leur frontière vers le septentrion est le bord du Jourdain, d'où elle s'étend au nord de Jéricho. De là, elle monte sur les côtes des montagnes vers l'Occident et vient jusqu'au désert de Bethaven. Elle passe ensuite vers le midi le long de Luza, qui s'appelle aussi Bethel. Elle descend à Atarotadar, près de la montagne qui est au midi de Béthoron inférieur. Puis elle tourne en descendant vers la mer, au midi de la montagne qui regarde Béthoron du côté du midi, et elle se termine à Kariat Baal, qui s'appelle aussi Kariat Yarim, ville des enfants de Juda. C'est là son étendue vers la mer du côté de l'Occident. Du côté du midi, sa frontière s'étend depuis Kariat Yarim vers la mer et vient jusqu'à la fontaine des eaux de Neftoa. Elle descend jusqu'à la partie de la montagne qui regarde la vallée des enfants d'Enom et qui est du côté du septentrion, à l'extrémité de la vallée des géants. Elle descend vers Géhenom, c'est-à-dire vers la vallée des noms, aux côtés des Jébuséens au midi, et elle vient jusqu'à la fontaine de Rogel. Elle passe vers le septentrion, s'étend jusqu'à Ensemes, c'est-à-dire la fontaine du soleil. Elle passe jusqu'aux terres élevées qui sont vis-à-vis de la montée d'Adomim. Elle descend jusqu'à Aben-Bohen, c'est-à-dire la pierre de Bohen, fils de Ruben, et elle passe du côté du septentrion jusqu'aux campagnes et descend dans la plaine. Elle s'étend vers le septentrion, au-delà de Beth-Agla, et elle se termine à la pointe septentrionale de la mer Salée, vers l'embouchure du Jourdain au midi. Ce fleuve sert de limite du côté de l'Orient. Ce sont là les limites et l'étendue de l'héritage des enfants de Benjamin selon leur famille. Ces villes sont Jéricho, Beth-Agla, la vallée de Kazis, Beth-Araba, Samaraïm, Bethel, Avim, Afara, Ophéra, la ville d'Emona, Ophni et Gabé. 12 villes avec leurs villages. Gabaon, Rama, Béroth, Mesphé, Kafara, Amosa, Ressem, Jaréphel, Tarela, Sela, Eleph, Jébus, qui est la même que Jérusalem, Gabaat et Kariat, 14 villes avec leurs villages. C'est là ce que possèdent les enfants de Benjamin selon leur famille. Le second lot qui sortit fut celui des enfants de Siméon, selon leur famille. Et pour leur héritage, qui se trouve au milieu de celui des enfants de Juda, ils eurent Bersabé, Sabé, Molada, Azersual, Bala, Azem, Eltolad, Bethul, Arma, Siseleg, Beth-Markabot, Azersusa, Beth-Lebaot, Saroben, 13 villes avec leurs villages. Aïn, Rémon, Attar, Azan, 4 villes avec leurs villages. Tous les villages des environs de ces villes jusqu'à Balaat, Ber, Ramat, du côté du Midi. C'est là le partage des enfants de Siméon, selon leur famille. Il fut pris sur le territoire que possédaient les enfants de Juda, parce qu'il était trop grand pour eux. C'est pourquoi les enfants de Siméon prirent leur part au milieu de l'héritage de Juda. Le troisième lot qui sortit fut celui des enfants de Zabulon, selon leur famille. Leur frontière s'étendait jusqu'à Sarid, montée de la mer et de Merala, et venait jusqu'à Débazet, jusqu'au torrent qui est vers Jéconam. Elle retournait de Sared vers l'Orient, aux confins de Sézélet à bord, s'avançait vers Daberet et montait vers Japhier. De là, elle passait jusqu'à l'Orient de Jet-Épher et Takazin, s'étendait vers Rémon, Amtar et Noah, tournait au septentrion vers Anaton, se terminait à la vallée de Jephthaël, à Kaët, Nahalol, Séméron, Gédala, Bethléem, 12 villes avec leurs villages. C'est là l'héritage de la tribu des enfants de Zabulon selon leurs familles, avec leurs villes et leurs villages. Le quatrième lot, qui sortit, fut celui d'Issacar selon ses familles. Et il comprenait Jezraël, Kazalot, Sunem, Ephraïm, Séon, Anaharat, Rabot, Sézion, Abès, Ramet, Eganim, Enaada, Beth-Fézès, et sa frontière venait jusqu'à Tabor, Sézima, Beth-Samès, et se terminait au Jourdain. Et tout son territoire comprenait 16 villes avec leurs villages. C'est là l'héritage des enfants d'Issacar selon leurs familles, avec leurs villes et leurs villages. Le cinquième lot qui sortit fut celui de la tribu des enfants d'Azer, selon leur famille. Leur frontière fut Alkat, Kali, Beten, Akzaf, Elmelech, Amaad et Messal, et elle s'étendait jusqu'au Carmel vers la mer et jusqu'à Sior et Labanat. Et elle retournait du côté de l'Orient vers Beth Dagon, passait jusqu'à Zabulon et à la vallée de Jephtaël vers l'Aquilon et jusqu'à Beth-Emek et Neiel. Elle s'étendait à main gauche vers Kabul, Abran, Rohob, Amon, Cana et jusqu'à la grande Sidon. Elle retournait vers Orma jusqu'à la puissante ville de Tyr et jusqu'à Oza, et elle se terminait à la mer par le district d'Akziba. Et comprenait Ama, Afek et Rohob, ce qui faisait en tout 22 villes avec leurs villages. C'est là l'héritage des enfants d'Azer, selon leurs familles, avec leurs villes et leurs villages. Le sixième lot qui sortit fut celui des enfants de Nephtali, selon leurs familles. Leur frontière s'étendait depuis Eleph et Elon par Saananim et Adami, nommés aussi Neseb, et par Jebnaël jusqu'à Lécum et se terminait au Jourdain. Elle retournait du côté de l'Occident vers Azanotabor. Elle allait de là vers Akusa, passait vers Zabulon du côté du Midi, vers Azer du côté de l'Occident et vers Juda du côté du Jourdain au soleil levant. Ces villes, qui sont très fortes, étaient Assédim, Ser, Emat, Rekat, Sénéret, Edema, Arama, Azor, Sédès, Edraï, Enazor, Géron, Magdalel, Orem, Bethanat et Bethsamès, qui font en tout 19 villes avec leurs villages. C'est là l'héritage de la tribu des enfants de Nephtali, selon leurs familles, avec leurs villes et leurs villages. Le septième lot qui sortit fut celui de la tribu des enfants de Dan, selon leur famille. Le territoire de cette tribu contenait Sara, Estaol, Irsemes, c'est-à-dire la ville du soleil, Célébine, Ayaalon, Jetela, Elon, Temna, Akron, LTC, Gébéton, Balaat, Jude, Bané, Barak, Jetremon, Méjarcon et Arécon, avec ses confins qui regardent Jopé. Et c'est là que se termine cet héritage. Mais les enfants de Dan, ayant marché contre les Em, l'assiégèrent et la prirent. Ils passèrent au fil de l'épée tout ce qui s'y rencontra. Ils s'en rendirent maîtres et y habitèrent, l'appelant les Em Dan, du nom de Dan, leur père. C'est là l'héritage que posséda la tribu des enfants de Dan, selon leur famille, avec leurs villes et leurs villages. Josué, ayant achevé de faire le partage du pays, en donnant à chaque tribu la part qui lui était échue par le sort, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, pour héritage au milieu d'eux, selon que le Seigneur l'avait ordonné, la ville qu'il leur demanda, qui fut Tamnath-Sara, sur la montagne d'Éphraïm, et il y bâtit une ville où il demeura. Tels sont les héritages que partagèrent au sort le grand prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les princes des familles et des tribus des enfants d'Israël, à Silo, devant le Seigneur, à la porte du tabernacle du témoignage. C'est ainsi qu'ils partagèrent le pays. Après cela, le Seigneur parla à Josué en ces termes. « Parlez aux enfants d'Israël et dites-leur. Séparez les villes dont je vous ai parlé par Moïse pour ceux qui cherchent un lieu de refuge, afin que quiconque aura tué un homme sans y penser s'y retire pour y être en sûreté et pour éviter la colère du plus proche parent du mort qui veut venger son sang. Et lorsqu'il se sera réfugié dans une de ces villes, il se présentera à la porte de la ville et il exposera aux anciens tout ce qui peut justifier son innocence. Et après cela, ils le recevront et lui donneront un lieu pour y demeurer. Et si celui qui veut venger le mort vient le poursuivre, ils ne le livreront point entre ses mains, parce qu'il a tué son prochain sans y penser, et qu'on ne saurait prouver que 2 ou 3 jours auparavant, il ait été son ennemi. Il demeurera dans cette même ville jusqu'à ce qu'il puisse se présenter devant les juges et leur rendre compte de son action, et jusqu'à la mort du grand prêtre qui sera en ce temps-là. Alors, l'homicide reviendra et rentrera dans sa ville et dans sa maison, d'où il s'était retiré dans sa fuite. Ils marquèrent donc pour ville de refuge Cédès en Galilée sur la montagne de Nephtali, Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et Kariatarbé, qui se nomme aussi Hébron, et qui est sur la montagne de Juda. Et au-delà du Jourdain, vers l'orient de Jéricho, ils choisirent Bozor, qui est dans la plaine du désert de la tribu de Ruben, Ramoth, en Galaad, de la tribu de Gad, et Golon, en Basan, de la tribu de Manassé. Ces villes furent établies pour tous les enfants d'Israël, et pour tous les étrangers qui habitaient parmi eux, afin que celui qui aurait tué un homme sans y penser pût s'y réfugier, et qu'il ne fût point tué par le parent du mort qui voudrait venger son sang jusqu'à ce qu'il pût se présenter et défendre sa cause devant le peuple. Alors les princes des familles de Lévi vinrent trouver le grand prêtre Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs des familles de chaque tribu des enfants d'Israël. Et ils lui parlèrent à Silo, dans le pays de Canaan, et leur dirent « Le Seigneur a commandé par Moïse qu'on nous donnât des villes où nous puissions demeurer avec leurs faubourgs pour y nourrir nos bêtes. » Alors les enfants d'Israël détachèrent des héritages dont ils étaient en possession des villes avec leurs faubourgs et les donnèrent aux Lévites selon que le Seigneur l'avait commandé. Et le sort ayant été jeté pour la famille de Kat, 13 villes des tribus de Juda, de Siméon et de Benjamin échurent aux enfants du grand prêtre Aaron. 10 villes des tribus d'Éphraïm, de Dan et de la demi-tribu de Manassé échurent aux autres enfants de Kahat, c'est-à-dire aux Lévites. Le sort ayant été jeté pour les enfants de Gerson, 13 villes des tribus d'Issacar, d'Azer, de Nephtali et la demi-tribu de Manassé en Basan leur échurent en partage. Et 12 villes des tribus de Ruben, de Gad et de Zabulon furent données aux enfants de Merari selon leur famille. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites ces villes et leurs faubourgs, comme le Seigneur l'avait ordonné par Moïse, les partageant entre eux selon qu'elles leur étaient échues par le sort. Josué donna les villes des tribus de Juda et de Siméon, dont voici les noms. Aux enfants d'Aaron, de la famille de Kat, de la race de Lévi, parce que le premier lot leur échut. Kariatarbé, ville du père d'Enak, qui s'appelle maintenant Hébron sur la montagne de Juda, avec les faubourgs dont elle est environnée. Car il en avait donné les champs et les villages à Caleb, fils de Jéphonné, comme l'héritage qu'il devait posséder. Il donna donc, pour ville de refuge au fils du grand prêtre Aaron, la ville d'Hébron avec ses faubourgs, Lobna avec ses faubourgs, Jéter, Estémo, Olon, Dabir, Aïn, Jetta et Beth-Sames avec leurs faubourgs. 9 villes appartenant à 2 tribus, comme il a été dit. Et de la tribu des enfants de Benjamin, Gabaon, Gabaé, Anatoth et Almon, 4 villes avec leurs faubourgs. Ainsi, 13 villes en tout furent données avec leurs faubourgs aux enfants du grand prêtre Aaron. Voici celles qui furent données aux autres familles des enfants de Kahat, de la race de Lévi. Ils eurent de la tribu d'Éphraïm Sichem, l'une des villes de refuge avec ses faubourgs sur la montagne d'Éphraïm. Gazer, Sipsaïm et Bethoron avec leurs faubourgs. 4 villes. De la tribu de Dan, ils eurent aussi Elteco, Gabaton, Ayaalon et Jetremon. 4 villes avec leurs faubourgs. Et de la demi-tribu de Manassé, ils eurent 2 villes avec leurs faubourgs, Tanakh et Guetremon. Ainsi, 10 villes en tout avec leurs faubourgs furent données aux enfants de Kat, qui était dans un degré inférieur aux prêtres. Il donna aussi aux enfants de Gerson, de la race de Lévi, deux villes de la demi-tribu de Manassé, Golon en Basan, l'une des villes de refuge, et Bosra avec leur faubourg. De la tribu d'Issacar, Sézion, Dabéret, Jaramoth et Anganim, quatre villes avec leur faubourg. De la tribu d'Azer, Mazal, Abdon, Elkat et Rob, quatre villes avec leur faubourg. Il donna aussi de la tribu de Nephtali, Cédès en Galilée, l'une des villes de refuge, Hamoth d'Or et Cartan, trois villes avec leur faubourg. Ainsi, toutes les villes qui furent données aux familles de Gerson furent au nombre de 13 avec leur faubourg. Il donna aussi aux enfants de Merari, lévites d'un degré inférieur, selon leur famille, de la tribu de Zabulon, Jeknam, Karta, Damna et Nahalol, quatre villes avec leur faubourg. De la tribu de Ruben, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, Bozor, dans le désert, l'une des villes de refuge, et Misor, Jazer, Jetson et Mephaat, quatre villes avec leur faubourg. De la tribu de Gad, il leur donna Ramoth en Galaad, l'une des villes de refuge, Manaïm, Ézébon et Jazer, quatre villes avec leur faubourg. Les enfants de Merari, selon leur famille et leur maison, reçurent en tout 12 villes. Ainsi, toutes les villes qu'eurent les Lévites au milieu de l'héritage des enfants d'Israël furent au nombre de 48, avec leurs faubourgs, et elles furent toutes distribuées selon l'ordre des familles. Le Seigneur Dieu donna à Israël toute la terre qu'il avait promis avec serment à leur père de leur donner, et ils la possédèrent et l'habitèrent. Il leur donna la paix avec tous les peuples qui les environnaient, et nul d'entre leurs ennemis n'osa leur résister. Mais ils furent tous assujettis à leur puissance. Il n'y eut pas une seule parole de tout ce que Dieu avait promis de donner aux Israélites qui demeura sans effet. Mais tout fut accompli très exactement. En ce même temps, Josué fit venir ceux des tribus de Ruben et de Gad et la demi-tribu de Manassé, et il leur dit « Vous avez fait tout ce que Moïse, serviteur du Seigneur, avait ordonné. Vous m'avez aussi obéi en toutes choses, et durant ce long intervalle, vous n'avez point abandonné vos frères jusqu'à ce jour, mais vous avez observé tout ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé. Puis donc le Seigneur votre Dieu a donné la paix et le repos à vos frères selon qu'il l'avait promis, allez-vous-en et retournez dans vos tentes et dans le pays d'héritage que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a donné au-delà du Jourdain. Ayez soin seulement d'observer et d'accomplir en œuvre les commandements et la loi que Moïse, serviteur du Seigneur, vous a prescrite, savoir d'aimer le Seigneur votre Dieu, de marcher dans toutes ses voies, d'observer ses commandements et de vous attacher à lui, et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. » Josué les bénit ensuite et les renvoya, et ils retournèrent à leur tente. Or Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé les terres qu'elle devait posséder dans le pays de Basan. Et Josué avait donné à l'autre moitié de cette tribu sa part de la terre promise parmi ses frères en deçà du Jourdain vers l'Occident. Josué, les renvoyant donc dans leur tente après les avoir bénis, leur dit « Vous retournez dans vos maisons avec beaucoup de biens et de grandes richesses, ayant de l'argent, de l'or, de l'airain, du fer et des vêtements de toutes sortes. Partagez avec vos frères le butin que vous avez remporté sur vos ennemis. » Ainsi, les enfants de Ruben et les enfants de Gad, avec la demi-tribu de Manassé, se retirèrent d'auprès des enfants d'Israël, qui était à Silo, au pays de Canaan, et se mirent en chemin pour retourner en Galaad, pays qu'ils possédaient et qui leur avait été accordé par Moïse selon le commandement du Seigneur. Et étant arrivés aux digues du Jourdain dans le pays de Canaan, ils bâtirent auprès du Jourdain un autel d'une grandeur immense. Les enfants d'Israël l'ayant appris et ayant su par des nouvelles certaines que les enfants de Ruben et de Gad et de la demi-tribu de Manassé avaient bâti un autel au pays de Canaan sur les digues du Jourdain par opposition aux enfants d'Israël, ils s'assemblèrent tous à Silo pour marcher contre eux et les combattre. Et cependant, ils envoyèrent vers eux au pays de Galaad Phinehas, fils du grand prêtre Éléazar, et 10 des principaux du peuple avec lui, un de chaque tribu, lesquels, étant venus trouver les enfants de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, leur parlèrent en ces termes. « Voici ce que tout le peuple du Seigneur nous a ordonné de vous dire. D'où vient que vous violez ainsi la loi du Seigneur? Pourquoi avez-vous abandonné le Seigneur Dieu d'Israël en dressant un autel sacrilège et vous retirant du culte qui lui est dû? N'est-ce pas assez que vous ayez péché à Belphégor et que la tache de ce crime ne soit pas encore aujourd'hui effacée de dessus nous, après qu'il en a coûté la vie à tant de personnes du peuple? Vous aussi, vous avez abandonné aujourd'hui le Seigneur, et demain sa colère éclatera sur tout Israël. Que si vous croyez que la terre qui vous a été donnée en partage soit impure, passez à celle où est le tabernacle du Seigneur et demeurez parmi nous. Pourvu seulement que vous ne vous sépariez point du Seigneur et que vous ne vous divisiez point d'avec nous en bâtissant un autel contre l'autel du Seigneur notre Dieu. N'est-ce pas ainsi qu'Acan, fils de Zaré, viola le commandement du Seigneur dont la colère tomba ensuite sur tout le peuple d'Israël? Et cependant, il avait péché tout seul et plut à Dieu qu'après son crime, il eût péri seul aussi. Les enfants de Ruben et de Gad et de la demi-tribu de Manassé répondirent aux principaux d'Israël qui avaient été envoyés vers eux. « Le Seigneur, le Dieu très fort, sait notre intention. Il la sait, ce Seigneur, ce Dieu très fort, et Israël la comprendra aussi. Si nous avons érigé cet autel par un esprit de désobéissance et de révolte, que le Seigneur cesse de nous protéger et qu'il nous punisse en cet instant même. » Si nous l'avons dressé dans le dessein d'y offrir des holocaustes, des sacrifices et des victimes pacifiques, que Dieu nous en redemande compte et que lui-même se fasse justice. Mais la pensée qui nous est venue à l'esprit a été que vos enfants pourraient bien dire un jour à nos enfants, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et le Seigneur Dieu d'Israël ? Ô enfants de Ruben et de Gad, le Seigneur a mis le fleuve du Jourdain entre vous et nous, comme les bornes qui nous divisent, et vous n'avez point de part avec le Seigneur. Qu'ainsi, ce pourrait être là un jour pour vos enfants, une occasion de détourner les nôtres de la crainte du Seigneur. Nous avons donc cru qu'il était meilleur d'en user ainsi, et nous nous sommes dit, érigeons un autel, non pour y offrir des holocaustes et des victimes, mais afin que ce soit un témoignage entre nous et vous, et entre nos enfants et vos enfants, que nous voulons servir le Seigneur, et que nous avons droit de lui offrir des holocaustes, des victimes et des hosties pacifiques. Et qu'à l'avenir, vos enfants ne disent pas à nos enfants, « Vous n'avez point de part avec le Seigneur. » Que s'ils veulent leur tenir ce langage, ils leur répondront, « Voici l'autel du Seigneur qu'ont dressé nos pères, non pour y offrir des holocaustes ou des sacrifices, mais pour qu'il soit un témoignage entre vous et nous. Dieu nous préserve d'un si grand crime, d'abandonner le Seigneur et de ne plus marcher sur ses traces, en érigeant, pour y offrir des holocaustes, des sacrifices et des victimes, un autel différent de celui du Seigneur notre Dieu, qui a été dressé devant son tabernacle. » Le prêtre Phinehas et les principaux du peuple que les Israélites avaient envoyés avec lui, ayant entendu ces paroles, s'apaisèrent. Et ils furent parfaitement satisfaits de cette réponse des enfants de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé. Alors, le prêtre Phinehas, fils d'Éléazar, leur dit, « Nous savons maintenant que le Seigneur est avec nous, puisque vous êtes si éloignés de commettre cette perfidie d'exposer les enfants d'Israël à la vengeance de Dieu. Après cela, ayant quitté les enfants de Ruben et de Gad, il revint avec les principaux du peuple du pays de Galaad au pays de Canaan, vers les enfants d'Israël, et leur fit son rapport. Tous ceux qui l'entendirent en furent très satisfaits. Les enfants d'Israël louèrent Dieu, et ils ne pensèrent plus à marcher contre leurs frères pour les combattre, ni à ruiner le pays qu'ils possédaient. Les enfants de Ruben et les enfants de Gad appelèrent l'autel qu'ils avaient bâti, l'autel qui nous rendra témoignage que le Seigneur est le vrai Dieu. Or, longtemps après que le Seigneur eut donné la paix à Israël et qu'il lui eut assujetti toutes les nations qui l'environnaient, Josué, étant déjà vieux et très avancé en âge, fit assembler tout Israël, les anciens, les princes, les chefs et les magistrats, et il leur dit « J'ai vieilli et mon âge est fort avancé. Vous voyez tout ce que le Seigneur votre Dieu a fait à toutes les nations qui vous environnent. De quelle manière il a lui-même combattu pour vous, et comment il vous a distribué par le sort toute cette terre, depuis la partie orientale du Jourdain jusqu'à la Grande Mer. Et quoique plusieurs nations restent encore à vaincre, le Seigneur votre Dieu les exterminera et les détruira devant vous, et vous posséderez cette terre, selon qu'il vous l'a promis. Fortifiez-vous seulement de plus en plus, et prenez soin d'observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche, de peur que, vous mêlant à ces peuples qui demeureront parmi vous, vous ne juriez au nom de leur Dieu et que vous ne les serviez et ne les adoriez. Mais attachez-vous au Seigneur votre Dieu, ainsi que vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Alors, le Seigneur votre Dieu exterminera devant vous ces nations grandes et puissantes, et nul ne pourra vous résister. Un seul d'entre vous poursuivra 1000 de vos ennemis, parce que le Seigneur votre Dieu combattra lui-même pour vous, ainsi qu'il l'a promis. Seulement, ayez soin sur toute chose d'aimer le Seigneur votre Dieu, que si vous voulez vous attacher aux erreurs de ces peuples qui demeurent parmi vous et vous mêler avec eux par le lien du mariage et par une union d'amitié, sachez dès maintenant que le Seigneur votre Dieu ne les exterminera pas devant vous, mais qu'ils deviendront à votre égard comme un piège et comme un filet, comme des pointes qui vous perceront les côtés et comme des épines dans vos yeux jusqu'à ce qu'ils vous enlèvent et vous exterminent de cette terre excellente qu'il vous a donnée. Pour moi, je suis aujourd'hui sur le point d'entrer dans la voie de toute la terre, et vous devez considérer avec une parfaite reconnaissance que tout ce que le Seigneur avait promis de vous donner est arrivé effectivement, sans qu'aucune de ses paroles soit tombée à terre. Comme don Dieu a accompli tout ce qu'il vous avait promis, et que tout vous a réussi très heureusement, ainsi il fera tomber sur vous tous les maux dont il vous a menacé, jusqu'à ce qu'il vous chasse de cette excellente terre qu'il vous a donnée et qu'il vous fasse périr si vous violez l'alliance que le Seigneur votre Dieu a faite avec vous, si vous servez et adorez des dieux étrangers, car alors la fureur du Seigneur s'élèvera tout d'un coup contre vous et vous serez promptement enlevés de cette excellente terre qu'il vous a donnée. Josué, ayant assemblé toutes les tribus d'Israël à Sichem, fit venir les anciens, les princes, les juges et les magistrats qui se présentèrent devant le Seigneur. Et il parla ainsi au peuple. « Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos pères, Taré, père d'Abraham et de Nakhor, ont habité dès le commencement au-delà du fleuve d'Euphrate, et ils ont servi des dieux étrangers. Mais je tirai Abraham, votre père, de la Mésopotamie, et je l'amenai au pays de Canaan. Je multipliai sa race, je lui donnai Isaac, et à Isaac je donnai Jacob et Ésaü. Je donnai à Ésaü le mont de Séhir en possession, mais Jacob et ses enfants descendirent en Égypte. J'envoyai ensuite Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par un grand nombre de miracles et de prodiges. Puis je vous fis sortir, vous et vos pères, de l'Égypte, et vous vîntes à la mer, et les Égyptiens poursuivirent vos pères avec des chars et de la cavalerie jusqu'à la mer Rouge. Et alors les enfants d'Israël crièrent au Seigneur, et il mit des ténèbres épaisses entre vous et les Égyptiens. Il fit revenir la mer sur eux, et il les enveloppa dans les eaux. Vos yeux ont vu tout ce que j'ai fait dans l'Égypte. Vous êtes restés longtemps dans le désert. Après cela, je vous ai fait entrer dans le pays des Amoréens qui habitaient au-delà du Jourdain. Lorsqu'ils combattaient contre vous, je les ai livrés entre vos mains, et les ayant fait passer au fil de l'épée, vous vous êtes rendus maîtres de leur pays. Balak, fils de Séphor, roi de Moab, s'éleva alors et combattit contre Israël. Il envoya Balaam, fils de Béor, et il le fit venir pour vous maudire. Mais je ne voulus point l'écouter. Je vous bénis au contraire par lui, et je vous délivrai d'entre ses mains. Vous avez passé le Jourdain, et vous êtes venu à Jéricho. Les habitants de cette ville ont combattu contre vous, les Amoréens, les Phérézéens, les Cananéens, les Hétéens, les Gergéséens, les Évéens et les Jébuséens, et je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frelons, et je les ai chassés de leur pays. J'ai chassé deux rois des Amoréens, et ce n'a été ni par votre épée, ni par votre arc. Je vous ai donné une terre que vous n'aviez point cultivée, comme habitation des villes que vous n'aviez point bâties, des vignes et des plants d'oliviers que vous n'aviez point plantés. Maintenant donc, craignez le Seigneur, et servez-le avec un cœur parfait et vraiment sincère. Ôtez du milieu de vous les dieux que vos pères ont adoré en Mésopotamie et en Égypte, et servez le Seigneur. Mais si vous croyez que ce soit un malheur pour vous de servir le Seigneur, vous êtes libre de choisir. Choisissez aujourd'hui ce qu'il vous plaira, et voyez qui vous devez plutôt adorer, ou les dieux auxquels ont servi vos pères en Mésopotamie, ou les dieux des Amoréens au pays desquels vous habitez. Mais quant à moi et à ma maison, nous servirons le Seigneur. Le peuple lui répondit, « À Dieu ne plaise que nous abandonnions le Seigneur et que nous servions des dieux étrangers. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a tirés lui-même, nous et nos pères du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui a fait de très grands prodiges devant nos yeux, qui nous a gardés dans tout le chemin par où nous avons marché et parmi tous les peuples par où nous avons passé. C'est lui qui a chassé toutes ces nations et les Amoréens qui habitaient le pays où nous sommes entrés. » Nous servirons donc le Seigneur, parce que c'est lui-même qui est notre Dieu. » Josué répondit au peuple, « Vous ne pourrez servir le Seigneur parce que c'est un Dieu saint, un Dieu fort et jaloux, et il ne vous pardonnera point vos crimes et vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur, et si vous servez des dieux étrangers, il se tournera contre vous, il vous affligera et vous ruinera après tous les biens qu'il vous a faits. » Le peuple dit à Josué, « Ces mots dont vous nous menacez n'arriveront point, mais nous servirons le Seigneur. » Josué répondit au peuple, « Vous êtes témoins que vous avez choisi vous-même le Seigneur pour le servir. » Ils lui répondirent, « Nous en sommes témoins. Ôtez donc maintenant du milieu de vous, ajouta-t-il, les dieux étrangers, et inclinez vos cœurs vers le Seigneur Dieu d'Israël. » Le peuple dit à Josué, « Nous servirons le Seigneur notre Dieu, et nous obéirons à ses commandements. » Josué renouvela donc l'alliance ce jour-là, et il représenta au peuple les préceptes et les ordonnances du Seigneur à Sichem. Il écrivit aussi toutes ces choses dans le livre de la loi du Seigneur, et il prit une très grande pierre qu'il plaça sous un chêne et qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Et il dit à tout le peuple, « Cette pierre sera témoin pour vous qu'elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur vous a dites, de peur qu'à l'avenir vous ne vouliez le nier. et mentir au Seigneur votre Dieu. Il renvoya ensuite le peuple, chacun dans ses terres. Après cela, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut, âgé de 110 ans, et ils l'ensevelirent dans sa propriété de Tamnath-Zaré, située sur la montagne d'Éphraïm, au nord du mont Gaas. Israël suivit le Seigneur pendant toute la vie de Josué et des anciens qui vécurent longtemps après Josué et qui savaient toutes les œuvres merveilleuses que le Seigneur avait faites dans Israël. Ils prirent aussi les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient emportés d'Égypte et ils les ensevelirent à Sichem, dans cet endroit du champ que Jacob avait acheté des enfants des morts, père de Sichem, pour 100 jeunes brebis et qui appartint depuis aux enfants de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut aussi, et ils l'ensevelirent à Gabaat, qui était à Phinès, son fils, et qui lui avait été donné dans la montagne d'Éphraïm.